Muriel Turpin. Ça, c'est pour Saint-Denis, 8h30, 16h aujourd'hui. À Saint-André, de 8h30 à 13h, toujours pour aujourd'hui. Pas d'électricité dans le chemin Grand Canal, en partie. Allée Vassal, chemin Beauverger, chemin des Limites, lotissement Petit Pellevoisin, rue des Caféiers, en partie. À l'étang Salé, privé d'électricité aujourd'hui de 8h45 à 16h, dans la rue Auguste Lacossade. Et au tampon, de 8h30 à 14h, toujours aujourd'hui, donc privé d'électricité, dans l'impasse Mal-Patrice MacMahon, dans la rue du Père Rognard, en partie, et dans la rue Hubert de Lille, en partie. Ça, c'est au tampon, de 8h15 à 14h. Et notez ce numéro, hein, si vous voulez contacter le service de dépannage d'EDF, c'est le 0800 333 974, le 0800 333 974, un numéro donc à noter près du sur le bottin, près du téléphone. C'est le service d'épanage d'EDF. Le prochain rendez-vous sur Réunion Première pour les avis de décès, également les infos pratiques, ce sera à 11h50 ce matin avec Lionel Olivier dans C'est encore mis en première. Réunion Première, cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Le portrait avec Calogero avant d'écouter l'horoscope sur la première. Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait trait pour trait à partir. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. De Calogero ce matin, de la douceur, le portrait, c'est sur Réunion Première. Avant le journal, présenté par Florent Marot, sur la première, voici l'horoscope. Bonjour, et ben voilà, il va se tourner une page, celle du mois de juin 2016. Nous sommes le 30, nous sommes jeudi, c'est les Martial qui sont à l'honneur, bonne fête messieurs. Et écoutons tout de suite les prévisions astrales de la première, on y va. Bélier. Savoir où vous vous situez vraiment ne serait pas une mauvaise chose. Taureau, pour ceux qui vivent une histoire d'amour toute neuve, attention aux petits pièges sur votre route. Gémeaux, ce ne sera pas le moment de prendre des vacances anticipées. Cancer, la fin de la journée vous apporte un repos bien mérité. Lion, vous avez quelques difficultés en ce moment à vous mettre en phase avec vous-même et avec vos collègues de travail si vous en avez. Vierge, vous allez vous mettre en quatre pour aider une personne que vous aimez beaucoup. Balance, gardez bien à l'esprit que votre moitié, si vous êtes en couple, est digne de confiance, tout comme vous. Scorpion, la routine est bousculée par une bonne nouvelle, un changement pour le meilleur. Sagittaire, vous êtes embarrassé par la présence d'une personne que vous n'appréciez guère. Capricorne, vous pouvez vivre avec peu sans vous sentir diminué par les circonstances. Verseau, de bons moments en perspective dans cette journée, surtout côté professionnel. Poisson enfin, si vous souhaitez vous mettre au sport, commencer une vie plus saine, c'est vraiment le moment idéal. Belle journée à tous et à toutes. Bah, c'est à cette connexion, ça arrive à Zat pour le 30, hein, la pointille, peu d'avance visiblement, Juliette. Bonjour et bienvenue pour tout ça qui arrive à l'instant. Salut le nord, le sud, l'est, l'ouest. Salut la fraîcheur des cirques. Bon courage en ce début de semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 juin 2016. Et il est 6h à La Réunion. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. La série noire continue, une 20e personne est morte sur nos routes hier soir, un homme de 50 ans qui traversait la chaussée au niveau de Grand Anse, il a été fauché par une voiture. On reviendra aussi sur ce conflit familial sur fond de violence conjugale. Cela s'est passé samedi à Pierrefonds. Un homme d'une trentaine d'années a tiré sur son beau-frère. Une autopsie est prévue aujourd'hui. Le compte à rebours a commencé pour Thierry Robert et Michel Fontaine. Parlementaires, maires et conseillers régionaux, ils vont devoir choisir selon la loi relative au cumul des mandats. Objectif atteint pour la France à l'Euro de foot. Les Bleus terminent en tête de leur poule après le match nul hier soir 0-0 face à la Suisse. Dimitri Payet n'a pas marqué, mais il a touché la barre. Les supporters, eux, ont pu suivre ce match sur grand écran au Cinépalme à Sainte-Marie. Réaction à suivre. Et puis, près de 15 000 personnes sont allées à Saint-Gilles hier pour le Grand Boucan. Il y a eu du bruit et ça va continuer demain avec la fête de la musique. On en parle à la fin de cette édition. Réunion première, Florent Marot. Les gendarmes étaient encore nombreux sur les routes hier. Ils ont même sanctionné 40 automobilistes. 12 permis ont été retirés à cause de l'alcool. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi. Un homme de 50 ans a été tué hier soir sur la route de Grand Anse. L'accident s'est produit sur la 3 voies qui descend vers Grandbois. Pour l'instant, on ignore pourquoi, mais le quinquagénaire a brusquement traversé la chaussée et a été fauché par une voiture. Ce décès porte à 20 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Autre drame, et cette fois, c'est une sortie en mer qui a mal tourné. 6 personnes qui faisaient du canoë et du paddle sur le spot de Trois Bassins ont chaviré hier. Selon plusieurs témoins, la mer était très agitée. Finalement, les secours sont parvenus à ramener 5 personnes. La 6e est décédée. Tout le monde est encore sous le choc ce matin à Pierrefonds, au cœur de la cité des Trois Cheminées. Retour ce matin sur ce drame familial survenu samedi soir. Un homme d'une trentaine d'années a tiré sur son beau-frère, touché en pleine tête. La victime est morte sur le coup. Une victime qui a provoqué l'altercation. Une victime qui a aussi mauvaise réputation. Suzette Emma. Désordre pour la sœur du meurtrier, il ne fait aucun doute que Stéphane Cresson est venu chercher querelle à son beau-frère Freddy Pontalba, dans le lotissement Les Trois Cheminées. Autour du drame, les langues se délient, la victime passe pour être une petite frappe à la réputation violente. Avant Yannila, là-bas, il sort diamant, il tape sa femme. Avant Nila, il sort, tape son madame est à l'hôpital défigurée. Avant Nirod Désordre, là, tout le temps, il tape son madame est enceinte de jumeaux. L'homme de 29 ans a reçu une balle en pleine tête, tiré à bout portant par son beau-frère qui aurait utilisé un fusil à canoncier. Le procureur Laurent Zukowicz était sur les lieux du drame. Les premiers éléments qu'on a, c'est une altercation entre deux hommes d'une trentaine d'années, apparentés entre guillemets parce qu'ils seraient chacun en couple avec deux sœurs. Il y a eu cette altercation et un coup de feu qui a été tiré après que celui qui a tiré le coup de feu ait été blessé à l'arme blanche. Donc l'enquête débute. Une autopsie sera pratiquée lundi matin. L'auteur présumé sera probablement présenté ce lundi au parquet de Saint-Pierre pour une mise en examen pour meurtre. Et nous suivrons évidemment cette affaire dans nos prochaines éditions. On reparlera des violences conjugales cette semaine aux Assises. Une nouvelle session s'ouvre aujourd'hui. Une affaire de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans le box des accusés, Joël Hérault, il aurait tué Maurice Épart pour un vol supposé à son domicile. C'était en avril 2014. Joël Hérault encourt 15 ans de réclusion criminelle. Verdict demain. Ils ont moins d'un mois pour le faire. Thierry Robert et Michel Fontaine vont devoir choisir parlementaires, maires et depuis décembre dernier élus au Conseil régional. Thierry Robert et Michel Fontaine totalisent 3 mandats électoraux impossibles selon la loi relative au cumul des mandats votée en 2014. Les deux hommes disposaient de 30 jours vendredi dernier pour prendre leur décision. Il leur en reste 27. Les Ourdelles. Déjà détenteurs d'un mandat de maire lors de leur élection au régional en décembre dernier, Thierry Robert et Michel Fontaine doivent désormais choisir. La loi interdit en effet aux parlementaires de cumuler deux mandats locaux. Elle prévoit ainsi un délai de 30 jours pour en abandonner un, à compter de la validation de la dernière élection. Mais voilà, la validation du scrutin régional a tardé. Le député maire de Saint-Leu, Thierry Robert, notamment, ayant déposé des recours contre l'élection de Didier Robert à la région. Des recours finalement rejetés vendredi dernier par le Conseil d'État, qui valide ainsi définitivement le résultat du scrutin. Le délai de 30 jours peut donc commencer. Mais si à son terme, aucun choix n'est finalement formulé, c'est le mandat local le plus ancien qui prendra fin, c'est-à-dire celui de maire. Date limite donc pour Thierry Robert et Michel Fontaine, le 16 juillet. Dans le reste de l'actualité, on connaît les lauréats pour l'appel d'offres lancé par le ministère de l'écologie, celui qui prévoit la production d'électricité dans les îles qui ne peuvent pas être reliées au réseau électrique continental. La Réunion est bien sûr concernée. Une quarantaine de projets ont été retenus. Parmi les lauréats, la société Apex, basée à Montpellier, spécialisée dans les panneaux photovoltaïques. De l'électricité propre va être produite et sera revendue à EDF. David Mselem est le directeur business development à la société Apex. Étant donné que l'on produit de l'énergie et qu'on l'envoie au réseau, en fait on la vend au réseau. Il est là le revenu pour Apex. Et pas uniquement pour Apex, c'est un revenu non négligeable aussi pour les propriétaires des sites qui ont voulu être candidats avec nous, donc c'est un partenariat. Vous revendez l'électricité générée à EDF, c'est ça ? Ah, exactement, ouais, tout à fait. Ça évite par ce biais-là de devoir déclencher des centrales d'appoint, comme c'est d'usage, que ce soit en métropole ou dans les DOM également, pour répondre justement à ces pics de consommation. Et donc, le consommateur, lui, forcément, quelque part, ça concourt à maîtriser le prix de l'électron. Donc, théoriquement, l'objectif serait de réduire la facture pour le consommateur. David Mselem, directeur business development à la société Apex, interrogé par Célia Cléry. Réunion première, 6h06, des occasions, mais pas de but flanc. Et oui, Dimitri Payet n'a pas marqué hier soir avec la France à l'Euro de foot, mais les Bleus terminent tout de même en tête de leur poule après ce match nul 0-0 face à la Suisse. Les supporters à la Réunion ont espéré jusqu'à la dernière minute. Ils ont vibré lorsque l'équipe de France a touché la barre. C'est arrivé à 3 reprises. Pour la première fois, 200 personnes ont pu suivre ce match sur grand écran au Cinépalme à Sainte-Marie. Des supporters emballés par la qualité de l'image, un peu moins par le spectacle offert par les Bleus. Franchement, la première mi-temps était excellente, mais la deuxième, un peu, on s'est endormi, quoi. On attendait un but de Dimitri Payet et ça s'est pas fait. Dommage, il y a eu plein d'occasions. C'était nul parce que la système est nul. Position de balle, 56%. La France avec 44%. Personnellement, je trouve le match d'un petit bof-bof. De croire que la France allait marquer, mais bon, après, voilà, d'un peu déçu, quoi. On a cru avec Dimitri, Mais Dimitri était pas mal quand même, il était bon. Eh bien, on a aimé sa transversale, ça aurait été un superbe but et on aurait bien aimé le 1-0, quoi. On parle tous un peu de déception, mais je pense qu'il faut pas trop qu'on s'enflamme aussi parce qu'on a eu quand même des super prestations depuis les qualifications et maintenant le début de l'Euro. Donc, ils ont assuré le résultat. Toujours des attaquants qui sont percutants, même si ça manque d'efficacité sur ce match-là. Mais Didier Deschamps a ménagé ses joueurs, il a pas aligné l'équipe type. Donc, pour la suite, on reste confiant. Des réactions recueillies par Olivier de la Richaudy. France-Suisse 0-0, donc les Bleus terminent en tête de leur poule. Ils joueront contre un troisième lors des huitièmes de finale. Football toujours, pas de surprise. Hier pour la fin des 32e de finale de la Coupe régionale de France, tous les clubs de D1 et R sont passés. Au final, dans l'élite, seule la Saint-Louisienne samedi soir et le RC Saint-Benoît vendredi ont été éliminés. Les 16e de finale se joueront les 2 et 3 juillet. De la course à pied maintenant avec le triplé de Frédéric Duchemin. Il a remporté hier pour la 3e fois consécutive le trail du Bassin-Bœuf à Sainte-Suzanne. Près de 270 participants ont pris le départ et le plus rapide a donc été Frédéric Duchemin. Presque une petite surprise pour le triple vainqueur de l'épreuve. Plusieurs effets, sachant que je suis pas gâté en ce moment avec mon dos. J'ai quasiment peur dans la descente. Je suis un peu crispé, mais bon, après l'essentiel est fait, la victoire est là. Moi, j'aime pas trop les parties techniques qui sont assez gras, sachant qu'il y a le fond en bas, donc un petit peu vertige. Mais le parcours, je connais très bien. Je savais qu'il y avait 12 km de descente assez roulant. Donc voilà, je savais qu'il fallait essayer de bien gérer la montée pour pouvoir bien dérouler dans la descente. Quelles sont vos ambitions là pour les semaines, les mois qui viennent? En fait, je vais déplacer sur Maurice, sur l'UTAB. Après, je pense que je vais enchaîner avec le Camilla Red, mais après, je sais pas, sur le challenge Décathlon, franchement, je ne me lance pas parce que c'est quand même assez délicat par rapport à mon ancienne blessure. Donc, je vais prendre un par un et puis on verra. Frédéric Duchemann, triple vainqueur du trail du Bassin Boeuf au micro Réunion Première de Mélodie Nourry. Chez les femmes, victoire d'Aurélie Fourna. En cyclisme, Cédric Gasnier, le nouveau champion de la Réunion de course en ligne. Le coureur du VCSD s'est imposé hier à Saint-Pierre. Cédric Gasnier qui fait le doublé après sa victoire sur le trophée des vainqueurs. C'était jour de carnaval hier à Saint-Gilles avec la 20e édition du Grand Boucan. Près de 15 000 personnes se sont déplacées cette année encore. La tradition a été respectée. Chars, danseurs, musiciens, tous ont défilé dans la rue principale. Seule différence pour cette cuvée 2016, le cortège n'était pas mené par le roi Dodo, mais par la reine Dodo. Et après le Grand Boucan, demain c'est la fête de la musique. Enfin, officiellement, parce que dans certaines communes, on a pris de l'avance. C'est le cas notamment à Saint-Denis. La deuxième édition du festival 3 jours avec au musée Léon Dirc, c'est d'ailleurs achevé hier cette année, c'était 3 jours avec la musique française, Ravel, Debussy, Fauré, Chopin, une vingtaine de marmailles ont interprété de grands classiques, l'occasion de mettre en avant le talent de ces jeunes pianistes réunionnais. Priscilla Etève a assisté au concert. Ce morceau de classique, Joshua, 11 ans, l'a préparé pendant 2 semaines à l'école de musique Lolo Pito à Saint-Denis. J'ai joué Souvenir de Monique Gabu, c'est sur l'enfance, c'est beau. Comment tu te sentais ? Quand j'ai commencé le piano, c'était un petit peu stressant quand on passe son premier, mais après on s'y habitue. J'avais envie de jouer. Une quarantaine de personnes a pu apprécier la mélodie, parmi elles sa maman Jennifer, très fière de son petit artiste. Il a réussi à faire passer l'émotion du morceau. C'est aussi la concrétisation d'un travail assez soutenu. Des fois c'est 10 minutes avant le cours qu'il s'y met, mais quand il a vraiment envie, voilà, il se donne à fond. Vincent aussi a voulu faire de son mieux quand il a interprété l'Hirondelle de Daquin, mais le stress a un peu gâché sa prestation. Du coup, il est déçu. Le piano était bien et j'ai fait quelques petites erreurs. J'ai essayé de me reprendre, mais je pense que ça se remarquait. Mais malgré quelques fausses notes, c'est sur la bonne voie, estime Antoine, pianiste en 3e cycle à orientation professionnelle au Conservatoire de Saint-Denis. Il y a toujours du chemin à faire en piano pour se perfectionner, mais non, dîner à concert en fait. Tout le monde fait des erreurs, donc ça dérange pas. Quant au public, il est tout simplement fasciné par le talent de ces musiciens en herbe. Et d'autres prestations sont prévues demain à partir de 16h à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on revient ce matin, Camille Labrousse, sur le match nul 0-0 des Bleus hier soir à l'Euro de foot. Les Bleus remplissent leur contrat et terminent premier du groupe A de l'Euro malgré leur nul 0-0 face à la Suisse. C'était leur dernier match des poules au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Prochaine rencontre, ce sera dimanche prochain à Lyon pour les huitièmes de finale face à un adversaire qui devrait être abordable. Les Suisses continuent également leur route et puis toujours dans le groupe A, l'Albanie crée la surprise en battant la Roumanie 1-0 et garde l'espoir de se qualifier elle aussi pour les huitièmes. Les matchs de ce soir pour le groupe B, Russie, Pays de Galles et Slovaquie-Angleterre. 2 matchs à risque niveau sécurité. Les Anglais sont en tête, les Gallois et les Slovaques derrière à égalité. Virginia Raggi devient la nouvelle maire de Rome. C'est désormais officiel. La représentante du parti populiste 5 étoiles est même très largement en tête, avec vraisemblablement près de 67% des voix, bien devant le candidat démocrate du parti du chef du gouvernement Matteo Renzi. Avocate de 37 ans, elle devient la première femme à diriger la capitale italienne. Ce résultat était attendu, beaucoup moins celui de Turin où le mouvement 5 étoiles est là aussi devant. À Milan, en revanche, le centre-gauche et centre-droit sont au coude à coude. L'analyse des boîtes noires de l'avion d'Égyptair va prendre du temps. Plusieurs semaines, annonce la commission d'enquête égyptienne. Les 2 boîtiers sont très endommagés. Ils ont été repêchés en plusieurs morceaux. La carlingue de l'avion qui s'est abîmée en mer en mai dernier avec 66 personnes à son bord continue, elle, d'être recherchée. Un procès pour un suicide s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais le 20 novembre 2013. Le corps d'un bébé de 15 mois, Adélaïde, était retrouvé sur la plage de Berck-sur-Mer. Quelques jours plus tard, la mère de la fillette était arrêtée en région parisienne. Une femme de 36 ans que les experts ont estimée pénalement responsable, mais atteinte d'une forte altération de ses facultés mentales au moment du passage à l'acte. Dernier hommage au couple de policiers tués à Magnanville dans les Yvelines. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider seront inhumés ce matin dans l'Hérault au lendemain d'une nouvelle marche en leur honneur. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Manifestation d'anonymes à l'appel de la communauté musulmane. Il a fallu plus de 7 heures aux pompiers des Pyrénées-Orientales pour maîtriser un violent incendie près de Bagnoul-sur-Mer. Les flammes ont détruit plus de 120 hectares de maquis. On ignore encore ce qui a provoqué l'incendie, mais il s'est rapidement propagé grâce à une forte tramontane. Et puis ces ventes aux enchères record à Radio France. La Maison Ronde cédait aux plus offrants plus de 8000 vinyles, notamment un 45 tours de Syd Barrett vendu à 10 500 €, un disque de Gainsbourg à 750 € ou un autre de Nina Simone à 950. L'argent récolté va servir à financer la numérisation de la discothèque de Radio France. La météo, le pays sera nettement coupé en deux autour d'une diagonale qui va de Nancy à Bayonne, au milieu des nuages dans le centre et le sud-ouest, au pire de la pluie pour la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais Picardie. À l'est, le soleil va briller, surtout en Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. Les températures pour ce matin, 14 degrés à Cherbourg, 16 à Brest ou Clermont-Ferrand, 19 à Strasbourg ou Pau, 23 à Nice et à Ajaccio. L'info revient à 6h30. Gaïa, celle-là, par ici. Bonjour la Réunion, j'espère que vous êtes bien. Pour ça qui arrive, hein, à l'instant, sur Réunion Première, parce qu'elle est là, elle a écouté André Maurice depuis 4 heures. Alors, tout de suite, les prévisions météo, on a quelques averses encore. Alors, depuis le chef-lieu, ah, ça, les oiseaux dans l'ouest, là-bas, ça, mettre la pluie toujours. La pluie depuis Saint-Joseph, Saint-Philippe, donc sur toute la côte est, soyez prudents sur le réseau routier. Donc encore des averses qui sont attendues ce matin, vers la mi-journée également. Alors on aura des nuages qui vont se développer dans les hauteurs et seul l'ouest bénéficie en ce lundi de larges éclaircies et un soleil parfois généreux, d'où les petits oiseaux qu'on a entendus il y a un instant. Côté température, elles vont atteindre 13 degrés au Volcan, 23 à Sillaos, 25 degrés à Saint-Pierre, même s'il fait bien frais ce matin. Bon courage pour toute Domouni habite dans les hauts. On a du vent aussi qui souffle fort, jusqu'à 60 km/h pour les rafales, Saint-Épi ou encore Saint-Denis. Un régime de brise qui domine sur les plages de l'ouest. Et attention, puisque la mer est agitée. Jackie réveille la Réunion. Avec toute l'équipe de la matinale, Missoat Azat, la bienvenue, semaine de la fête de la musique. Mes amis, on va chanter ensemble. Lundi 20 juin 2016, on va saluer les Silvers. Bonne fête à vous. Sachez que Prisca ce matin nous emmènera à Saint-Pierre. Alors si à 5h45 elle se trouvait au marché de Gros, ce matin elle nous emmènera dans un bazar ouvert 24/24 à Saint-Pierre. L'invité de la matinale, Frédéric Narasigan, c'est le vice-président du syndicat des opticiens de La Réunion et président du groupe Optique Développement. Interview à suivre en radio et sur le net à 7h15 sur la première. Et votre débat aujourd'hui concerne l'alcoolisme à La Réunion. Ça c'est le débat donc 8h15-9h avec Claude Montané. Bon réveil La Réunion, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans la friche des cirques. Nous accompagnons les également sur la route avec Yves Gruyé. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves Gruyé sur la 4 voies du port, bonjour Yves. Bonjour Jackie, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Grosse pleine lune, pas encore couchée, bien visible ici, pas visible sur la façade est avec la météo. Attention à route mouillée, chaussée glissante depuis le sud sauvage jusqu'à la Grande Chaloupe. Puisqu'à une fois passée la Grande Chaloupe, la chaussée s'assèche. Et ensuite, c'est route sèche ici du côté de la possession du port. Et avec un ciel un peu plus clair en regardant vers l'ouest. Alors, prudence bien entendu, hein, donc avec cette route bien trempée. Ceux qui ont arrosé hier soir, c'est un peu dommage parce que c'est une bonne partie de la nuit. Alors, en ce qui concerne le trafic, c'est plutôt correct. Donc, en provenance de l'Est, un trafic dense à hauteur de Sainte-Suzanne en ce moment. Et puis, les ralentissements à la sortie de la tranchée couverte en haut du viaduc. Ça, c'est pour le bouchon classique. Ça va en diminuant, donc vous l'avez remarqué, de semaine en semaine. Donc, en cette fin d'année scolaire, période d'examen en ce moment, donc moins de circulation. faut en profiter, mais il faut en profiter en roulant prudemment, donc notamment avec nuit encore bien sombre, même si la lune éclaire bien, elle est encore bien visible pour le moment. Très bonne route avec la première, prudence, il y aura des travaux à vous signaler, je vous en reparlerai tout à l'heure. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Et nous aurons l'occasion de parler de ces travaux, bien sûr, avec Yves Gruyé tout au long de la matinée. Prochain rendez-vous pour l'inforoute, c'est avant 6h30 sur Réunion Première. Jouons au 02 62 99 2000. La première malice d'aujourd'hui, hein, le premier mot y compose le 99 2000 et gagne un bon cadeau d'une valeur de 20 euros. Offert par Réunion Première et Bonne Magasin Espace Fraîcheur. Connaissez aujourd'hui le 20. Regardez chez le compte là, puis trop, hein. Gros fruits idéal là. Ou d'un bac légumes dans le fond là. On dit, ben, qu'est-ce arrivé là? Eh ben oui, il est comme ça. Ben nous, ça y soulage un petit peu le porte-monnaie. Zot tout. Enfin, du moins, la première personne qui appelle. Un bon cadeau d'une valeur de 20 euros pour la première personne qui appelle à nous ce matin pour acheter des fruits et des légumes dans un magasin à côté de la case. Kossanena, demain soir, sur Réunion Première. Attention, écoute bien le message, hein, parce que ça cause vite. La Réunion n'est pas répoutée en 7 crasses épilées. Réunion Première, ils fêtent la musique ce mardi 21 juin. 5 heures de concert 100% local. À partir de 19h, le bal la poussière des Dallons du Carrousel. Groove Lélé, Marmaï Lacour, Destin Maloya, Zanaka Maloya. Ce mardi 21 juin, dès 19h, rassemblés ensemble au bal. La fête de la musique sur Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Yeah. 6h20 à l'écoute de Réunion Première. Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous voulez bien? Oui, ça va. Elle a bien fait un petit peu la fête ce week-end ou pas? Oui, dans. Oui. C'était raisonnable. D'accord. Que ça m'a dit, elle est là. On dit comme ça, dit fin arrive le 20. Besoin de soulager un petit peu? Ah oui, énormément. Nathalie, que ça, les bons pour manger lundi, lendemain, fête des PA là. Ah, mais je pense un bon bouillon morue, ce serait pas mal. Hein. Un bouillon la morue, son magos. Ah oui. Un bread aussi passe bien aussi, hein? Oui, un bon bread aussi. Un rougail tomate bien pimenté, puis fait transpiano. Oui. Vous fait sortir, saquer, nous la mettre là. Ok, ben Nathalie, on est content pour Réunion Première d'en avoir un bon cadeau d'une valeur de 20 euros. Donc, grâce au magasin Espace Fraîcheur pour prendre 2-3 fruits et légumes dans un magasin côté la case. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Ben, mais ça tombe un bon courage. Mais pense que si vous la finissez lever grand matin, c'est pour aller travailler, ma fille. Ah ben déjà, depuis 5 heures au pied de guerre et déjà sur la route. Oui, avec à cause. Un beau temps. Supitant ça, là-bas. Ouais. À cause, qu'est-ce que vous faites comme travail, dont Nathalie? Formatrice. Formatrice, d'accord. Faut lève bonheur. Ah oui, dans l'Est, donc il faut y aller, quoi. Vous sortez Piton Saint-Léo, ça va dans l'Est pour travail? Ah ben, dans le Nord, dans l'Est. Oui. Vous l'en congé bientôt? Ben, la vacance bientôt, là, ça vient reposer un peu, non? Un peu, mais j'espère. Ben oui, ben c'est ce que m'y souhaite à vous. En tout cas, amuse à vous, fais des bêtises, mais toujours avec enthousiasme. D'accord? Comme d'habitude. Ah bon, alors, dis bon à bien chercher. À bientôt, Nathalie, nous, ça va. Merci, au revoir. Kosaï di, mon pays, à Polonia, sur Réunion Première. Bon réveil à toutes et à tous. Kosaï di, comment ça va? La longtemps nous l'a pas encore trouvé. Bon, ben, testo, viens, passe la carte. Comment ça va? Ma roue par on a boire un café. Et malgré dans la mer entre nous, toute l'amitié garde le même goût. Tellement zimas y gagne pas été. Gravé à jamais. Fait que maman m'a la demandé à moi que ça m'y fait là. Il prétend à bomber la monnaie l'autre côté là-bas. Et mon soleil d'où fait les pliniers. Connaît ça même pour la mirodée. Tout ça il dit, comment ça va? N'a longtemps nous l'a pas encore trouvé. Tout ça il dit, comment ça va? Comment ça va? N'a longtemps nous l'a pas encore trouvé. Kosaï dit, comment ça va? Marou. et nous la mettre sans bocal. Ouais, festin créole, ça l'est normal. Pour ça, il dit, comment ça va? On a longtemps, nous l'a pas trouvé. Pour ça, il dit, comment ça va? Marou par on a boire un café. Pour ça, il dit, comment ça va? On a longtemps, nous l'a pas trouvé. Pour ça, il dit, comment ça va? Marou par on a boire un café. Allez, allons boire un café ensemble ce matin sur Réunion Première. Formation musicale emmenée par Bruno Essil, Apollonia. Qu'est-ce qu'il dit mon pays? Eh bien, il dit que nous sommes à Carré Saint-Pierre tout de suite avec Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et il y a des gens l'a dit comme ça là, Bazala, elle est ouverte 24h sur 24. Est-ce qu'elle est vraie, Prisca? Bah écoutez, nous sommes juste à côté du bazar qui est ouvert 24h sur 24. Par contre, c'est vrai qu'il y a des années de cela, le bazar où je me trouve était ouvert 24h sur 24. Et c'est son papa qui tenait ce bazar de proximité. Enfin, quelqu'un de la famille, hein, je crois. Oui, si. Même pas, peut-être. Bonjour Willy, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Avant, ce bazar-là était ouvert 24h sur 24. Avant, oui, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Et maintenant, c'est Denis juste à côté qui a pris le relais avec une entente, hein, bien sûr. Avec le patron de ce bazar de proximité, mais vous avez quand même des horaires qui sont assez souples. Oui, ça va, nous on est ouvert le matin à 6h et on ferme le soir à 22h. 22h, donc ça nous laisse le temps quand même de faire les courses. Alors nous sommes situés où, Willy? Exactement. Là on est à la rue de la Poudrière, là, au bazar. Oui. 24h sur 24, on va dire 24 sur 24. Oui. Voilà. Mais vous n'êtes pas ouvert 24 heures sur 24, hein, on est d'accord. Tout le monde dit que... 24 sur 24. Voilà, et c'est le magasin qui est juste à côté. Le magasin qui est juste à côté, 24 sur 24. Oui, parce qu'on est obligé de donner quelques indications, parce que tout à l'heure, il y aura un cadeau à gagner, puisque vous allez préparer un panier garni. Oui, oui. Mais en attendant de préparer le panier garni, vous êtes en train de mettre en place les tomates. Oui, on est en train de faire le rayon, là. Oui. Il y aura un manque de tomates apparemment. Un petit manque de tomates ce matin, oui. Je sais pas si le fait que hier c'était dimanche ou pas, il n'y avait pas beaucoup de travailleurs. Mais ce matin, il n'y avait pas beaucoup de tomates sur le marché. Oui, ça se confirme, hein, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure avec Jean-Luc au marché de gros. 1,90€, peut-être voire même 2€, hein, le kilo de tomates, hein, pour ce lundi. On verra bien, mais moi je pense plus que ça va aller à 1,50€. Ouais. Ah, au-dessus d'un euro 50 en tout cas. Bon voilà, le consommateur est averti en tout cas. Qu'est-ce qui coûte le plus cher en ce moment en ce qui concerne le fruit de la Réunion, Willy? Fruit de la passion. Là en ce moment c'est le fruit de la passion. Ouais. Oui. C'est pas beaucoup. Ouais. Et après, bon, les dattes aussi. Ouais. Alors vous n'êtes pas tout seul, hein, Willy, parce qu'il y a Jasmine qui est en train de mettre des raisins. Là, c'est son rayon, hein. Elle, c'est la spécialiste des fruits. Et puis nous avons de l'autre côté Miss Sylviane. Elle a mis carrément l'écharpe, un peu comme moi. Bonjour Jasmine. Bonjour. Alors combien ils vendent les dattes? Ah, les dattes, elles sont à 7,90€. Quoi, la pièce? Le kilo. Ah, le kilo. Et c'est où? Vous avez déjà mis en rayon ou pas? Non, j'en ai plus pour ce matin. Je dois avoir un arrivage peut-être cet après-midi. Donc oui. Voilà. Et puis on parlait du fruit de la passion, oui, qui est la passion, qui sont excellents. Aussi, hein, à 5,80€. Pourquoi? C'est la fin de la saison? C'est un fruit qui reste assez, on va dire, délicieux, délicat et très bon. Oui. Très bon pour la santé aussi. Donc du coup, voilà, d'où son prix. Ça ne descend pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de production, malheureusement. Donc voilà. Allez, on va tendre le micro à Sylviane. Bonjour madame. Bonjour Sylviane. Bonjour. Vous allez ouvrir quoi avec ces clés? Eh bien, je vais ouvrir le cantonnaire pour prendre des légumes et des fruits. Quoi? Qu'est-ce que vous allez prendre en France? Eh ben, là, il y a un petit peu de tout. Tout dans les légumes. Il y a les bananes, il y a les oranges. Et puis, il y a des salades. Il y a des belles salades. Oh, Sylviane, à la pêche ce matin là. Oh là là. Toujours, il faut en avoir de la pêche. Allez, et le mot de passe, ça sera pas pêche, hein. mais ça sera fruit de la passion avec Réunion Première. Et toute l'équipe de ce bazar de proximité vous accueille hein, déjà dès ce lundi matin. Et rendez-vous tout à l'heure entre 9h50 et 10h30 avec ce mot de passe pour repartir avec votre panier garni qu'ils vont confectionner dans les heures qui vont. De la passion comme Francky. Voilà. Ah, c'est vous qui avez inspiré Francky Vincent pour cette chanson, Sylvia? Ah non, non, c'est pas moi. C'est pas moi, je vous Allez, la bonne humeur. Si, merci beaucoup, Prisca. En direct de Saint-Pierre, merci. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. L'information routière depuis Saint-Paul, Yves Gruyé. Ciel partagé, mais chaussée sèche ici par rapport au nord et à l'est. Et à sud sauvage, la circulation ralentit toujours en haut du viaduc, pas trop de changements. Les deux échangeurs sont à l'origine des ralentissements que l'on rencontre bien sûr chaque matin ici. Échangeur Belmen dans un premier temps, après il y a une petite zone roulante et on retrouve d'autres ralentissements vers l'échangeur de Savannah jusqu'à pratiquement Cambé. Ensuite ça roule correctement pour arriver à Saint-Denis, ralentissement qui se situe juste avant le petit giratoire après la caserne Lambert. Attention, route mouillée à partir de la Grande Chaloupe et puis pour les motards d'ici de l'ouest, n'oubliez pas votre combinaison puisque le temps est à la pluie sur la région nord et est de l'île. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et bienvenue à toutes les Réunions Premières. Vous êtes à la maison, peut-être dans votre voiture pour vous rendre au travail ou encore dans le bus. Vous écoutez la première, il est 6h, passé de 31 minutes. Bienvenue. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Une actualité marquée par des accidents mortels et des violences ce lundi. Un piéton qui traversait la route le soir a été fauché hier à Grandens. Il a succombé à ses blessures. Un jeune kayakiste s'est noyé à Trois Bassins hier et un homme a tué son beau-frère à Saint-Pierre. On y revient dans ce journal. Une primaire à gauche en vue de l'élection présidentielle l'an prochain, c'est décidé. Qu'en pensent nos élus PS? Nous l'entendrons dans cette édition. 15 000 personnes à Saint-Gilles hier, ambiance carnaval pour le Grand Boucan. Une reine a fini sur le bûcher cette année. Le public a apprécié. Et puis pas de but pour Dimitri Payet hier avec les Bleus. Un match nul, 0 partout face à la Suisse. Mais une qualification en 8e de finale. La France est première du groupe A de cet Euro 2016. Réunion Première, Cécile Thomas. Et retour donc ce matin sur un week-end marqué par de nombreux accidents ou des violences. Hier, sur le spot de Trois Bassins, une sortie en mer a mal tourné. 6 personnes qui se trouvaient dans des kayaks et sur un paddle ont chaviré. Selon certains témoins, la mer était très agitée. Dépêchés sur place, les pompiers et les gendarmes sont parvenus à secourir 5 personnes. La 6e a été ramenée sur la plage et prise en charge par des équipes de secours. Mais elle est finalement décédée. Autre accident tragique, hier soir, un homme de 50 ans a été tué alors qu'il traversait la route à Grandens. L'accident s'est produit sur la Trois Voies qui descend vers Grandbois. Pour une raison qu'on ignore, un quinquagénaire a brusquement traversé la chaussée et a été fauché par une voiture. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée. Il y avait 5 personnes dans la voiture qui l'a percutée. Elles étaient toutes hier en état de choc. 20 personnes sont mortes sur nos routes depuis le début de l'année. Et juste avant la mort de ce piéton, c'est un autre accident qui a choqué, celui qui impliquait un camion fou et qui a fait un mort, un jeune Saint-Andréen, Kenji Toussaint. Le chauffeur du poids lourd ivre au moment des faits a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. Ludovic Lachoumanin regrette amèrement ce qu'il a fait, confie sa mère, qui pense beaucoup à la victime et à sa famille. Mon fils, il se rend compte qu'il a brisé une famille, mais il a brisé la sienne aussi, donc il regrette amèrement. D'ailleurs, à ce propos, on présente nos condoléances à la famille. On pense beaucoup à elle, on prie beaucoup pour elle. C'est sûr que ça ne va pas leur rendre leur enfant, mais je comprends la douleur de la famille. Je veux juste dire qu'on est de tout cœur avec tous les membres de la famille. On attend que la justice fasse le nécessaire. Et mon fils a fait des bêtises, il va les assumer. Il n'y a pas de mots. C'est un tsunami qui a détruit notre vie. Je suis désespérée. La famille là-bas n'a pas demandé ça. Je n'ai pas de mots. Je n'explique pas. On ne veut rien enlever à ses responsabilités, mais on aimerait comprendre. En tout cas, on assure l'autre famille de toute notre compassion. La famille souffre. Notre famille souffre. C'est une autre souffrance peut-être, mais deux familles en détresse. La famille, la mère de Ludovic Lachoumanin témoignait au micro de Nadia Tayama et de Céline Roland. Et samedi soir, c'est un autre type de violence qui a fait un mort à Saint-Pierre. Un homme de 29 ans a été tué d'un coup de fusil dans la tête. C'est son beau-frère qui a tiré. Tout a commencé avec une altercation violente et un coup de sabre blessé à la tête pour se défendre. Le tireur est allé chercher son fusil et a fait feu à bout portant. Il pourrait être présenté au parquet pour meurtre aujourd'hui. Au chapitre politique, la décision est tombée samedi. Le Conseil national du Parti socialiste a décidé à l'unanimité d'organiser des primaires pour la présidentielle l'an prochain. Cette consultation se déroulera les 22 et 29 janvier 2017. Elle sera ouverte aux socialistes, aux partis situés à gauche, mais aussi à tous ceux qui soutiennent l'action gouvernementale. Priscilla Etève. Comme d'autres élus socialistes, Philippe Leconstant aurait préféré une primaire avec toute la gauche. Mais même si aujourd'hui le parti est divisé, cette consultation restera quand même un grand moment pour le premier secrétaire fédéral du PS à La Réunion. Ça permet de dégager un candidat ou une candidate qui sera soutenue ensuite par tous les autres. L'objectif, c'est que la personne choisie par les Françaises et les Français de sensibilité progressiste puisse créer une dynamique pour les élections présidentielles qui suivront. Et ce candidat sera-t-il François Hollande, le président sortant ? En tout cas, le député réunionnais Philippe Naillet l'espère bien. Ce serait pour lui l'occasion de s'expliquer devant les Français, répondre à leurs questions, d'expliquer la politique qui est menée maintenant depuis 4 ans et qui commence à porter ses fruits. On n'a jamais trop de débats, notamment pour l'élection présidentielle qui conditionne notre vie politique après pour 5 ans. Quoi qu'il en soit, dans l'île, les socialistes seront bien présents pour faire élire leur candidat, assure Philippe Leconstant. Nous allons faire en sorte qu'il y ait des bureaux de vote dans toutes les communes, si possible. Bon, là où le Parti socialiste est bien représenté, il n'y a pas de problème. Avec nos camarades des Verts, avec les radicaux de gauche, nous allons faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer, quel que soit l'endroit où ils habitent, puissent voter fin janvier à l'occasion de ces primaires. La campagne pour ces primaires devrait démarrer à partir de novembre. Cette primaire, ce sera donc que sans le Parti communiste et sans Jean-Luc Mélenchon qui a d'ores et déjà annoncé sa candidature à la présidentielle. On connaît désormais les lauréats de l'appel d'offres lancé par le ministère de l'Écologie pour produire de l'électricité dans les îles qui ne peuvent pas être reliées au réseau électrique continental. Une quarantaine de projets ont été retenus, dont une majorité outre-mer, aux Antilles, à Mayotte ou encore chez nous. Parmi les lauréats, la société Apex, basée à Montpellier, est spécialisée dans la production d'électricité via des panneaux photovoltaïques installés sur les toitures. Deux de ces projets ont été choisis, un à La Réunion, l'autre en Martinique. David M. Selem est le directeur business développement de l'entreprise Apex. À La Réunion, on a travaillé sur une exploitation horticole. Il y a une dizaine de serres qui ont été équipées. Pour la Martinique, ce sont aussi des serres et des bâtiments sur la même exploitation. C'est une exploitation avicole, donc élevage de poussins. Et ce qui est très intéressant sur ce projet-là, c'est qu'on a pu valoriser des terres sur lesquelles on ne peut pas faire de plantation puisque les sites sont pollués. Donc ça devient une ferme photovoltaïque. Pour la Martinique, on a environ 12 000 m² de surface qui ont été recouvertes par des panneaux photovoltaïques. Et à La Réunion, on a environ 10 000 m². David M. Selem, le directeur business développement de l'entreprise Apex, joint par Célia Cléry. C'était jour de carnaval hier à Saint-Gilles avec le grand boucan, le thème de cette 20e édition, la vie. Chars, danseurs et musiciens ont défilé dans la rue principale de Saint-Gilles. À un détail près, le cortège n'était pas mené par le roi Dodo comme chaque année, mais par la reine Dodo. 15 000 spectateurs ont suivi le défilé. Mon déguisement, moi, c'est le soleil. Ouais, parce que, en fait, le soleil, c'est un petit peu la vie quand même. On lance des confettis, on s'amuse. Le tout, c'est de s'amuser. On vient tous les ans, on aime beaucoup les chars, tous les déguisements, l'ambiance. On est originaire de l'Espagne et il y a aussi beaucoup de traditions du carnaval et on a trouvé ça et on trouve que c'est génial. On aime beaucoup. Et les enfants, ils aiment beaucoup. C'est bien le carnaval et j'aime bien me déguiser. La diversité, la musique, l'ambiance, la chaleur humaine, toute l'ambiance, c'est sympa. C'est un moment très, très agréable. Carnaval, et puis à la fin, on brûle le monde. Ça, c'est la première fois. À la fête, c'est voir des beaux costumes, des chars, l'ambiance. Des propos recueillis par Lise Ourdel. Une course sous la pluie hier, cela n'a pas découragé les 300 participants du trail du Bassin Bœuf. Une boucle de 29 km au départ du Bocage à Sainte-Suzanne. Victoire de Frédéric Duchemin en 2h10 minutes et 58 secondes. Derrière lui, Jean-Patrice Payet et Géry Perrault qui complètent le podium. Pardon, chez les femmes, Aurélie Fourna est arrivée en tête en 2h38 minutes et 14 secondes. La jeune femme a trouvé la course plutôt difficile. Le plus dur, ça a été à la fin, là, parce que je commençais à avoir mal aux jambes. Le truc, c'est qu'il faut tenir en courant tout le long. Après, il faut arriver à bien monter quand ça monte. Après, ce qui était chiant un peu, c'est que on s'est pris une grosse pluie. Du coup, c'était vachement glissant dans la forêt à Bassin-Bœuf, là, les grosses pierres. Il fallait faire gaffe, quoi. Du coup, j'ai dit, là, je vais ralentir, on verra bien ce que ça fait. Parce que je savais qu'elle était à 2h30 derrière. Et finalement, Au final, vous finissez première, 2h38. Vous êtes satisfaite de votre temps ? Je regardais l'année dernière, 2h46, la première féminine. J'ai dit, je me situe entre ça et 3h. Mais je fais moins, c'est parfait. Aurélie Fourna, première féminine sur le trail du Bassin Bœuf, interrogée par Mélodie Nourry. Hortense Beg est arrivée deuxième et Flore Santos da Silva, troisième. En football, 5 maillots déchirés pour les Suisses, 1 ballon crevé, voilà pour la partie insolite. Sinon, face à la Suisse, les Bleus ont fait match nul, 0 partout. Hier soir, beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs qui auraient pu faire mouche. La France termine en tête de la poule A et jouera dimanche prochain son 8e de finale de l'Euro 2016. Un spectacle suivi sur écran géant par 200 supporters hier au Cinépalme. L'heure était tardive, mais elle n'a pas découragé les fans de foot. Parmi eux, Damo, qui habite à Sainte-Marie. Olivier de la Richaudière a recueilli ses impressions à l'issue du match à la sortie du cinéma. Le match était bien en première période, un peu de ralentissement en deuxième période. Malheureusement, les attaquants qui manquaient de réussite. On a vu quand même un très bel essai de Payet qui malheureusement s'est pas concrétisé. Mais bon, je pense que là-dessus, nous a manqué des attaquants qui concrétisent les occasions, notamment Gignac qui, par exemple, a été très peu existant sur la fin du match notamment. Pogba très satisfaisant, surtout en première période. Deuxième période, manquait un peu de jus. Peut-être il aurait dû être changé avec un autre joueur qui aurait ramené plus de dynamisme, mais très bonne prestation malgré tout. Sinon, le fait de venir au cinéma, regarder un match, change un peu. Ah bah oui, mettre un peu l'ambiance. En plus, Naïf un petit peu, Popcorn, Schweppes, ça là. Non, franchement, c'est à renouveler, très bonne expérience. Et Dimitri Payet est entré en cours de match. Effectivement, il n'a pas eu autant de réussite qu'aux deux premiers matchs. La suite, dimanche prochain, pour les Bleus. L'info revient à 7h. Et c'est l'heure de la chronique écho préparée par Sébastien Letard. C'est un véritable bad buzz qui atteint le leader mondial de l'hébergement entre particuliers, le fameux Airbnb. Certains usagers du site se sont plaints de racisme. L'entreprise a rapidement réagi, mais l'affaire souligne le flou qui règne sur l'application de la loi en matière d'économie collaborative. Sébastien. L'affaire fait le buzz dans les médias américains. Airbnb this morning is investigating claims of racism by some of its users. Des accusations de racisme contre certains utilisateurs de Airbnb, le site leader mondial de la location d'appartements entre particuliers. Fin mai, une étudiante nigériane qui cherchait un logement à Charlotte aux États-Unis s'était non seulement vue refuser sa location, mais elle avait surtout accusé une pluie d'insultes de la part du propriétaire quand celui-ci a vu sa photo de profil. Je hais les nègres, je vais annuler ta réservation. C'est le sud ici, ma chérie. Trouve une autre place pour reposer ta tête de nègre. Des propos qui ont immédiatement suscité un tollé sur les réseaux sociaux avec un hashtag Airbnb Wild Black. Ce sont ainsi des dizaines de témoignages qui font état de discrimination au moment d'une recherche de logement. I am a black woman. I get declined all the time on Airbnb. Plusieurs utilisateurs ont par exemple vu leur réservation rejetée quand la même demande a été acceptée quand elle venait de leur ami blanc. Face à ce bad buzz, peu flatteur pour la plateforme, ses créateurs ont rapidement dû réagir, dénonçant un incident inacceptable. L'hôte raciste a été banni à vie. Airbnb a aussi annoncé une enquête sur les relations entre ses utilisateurs, car le phénomène n'est pas nouveau. Selon une étude de la Harvard Business School, les Noirs auraient 16% de chances de moins d'être acceptés par des hôtes. Un écart racial, disent les auteurs, comparable à celui que l'on retrouve sur le marché du travail. travail, dans les annonces en ligne ou même pour la recherche du taxi. L'enjeu est d'ailleurs économique autant qu'éthique pour le champion de l'économie collaborative. Au moins deux plateformes concurrentes avec un nom quasi similaire, noirbnb.com, sont sur le point d'être lancées à destination d'un public afro-américain. Leurs deux créateurs font d'ailleurs état de leur propre expérience négative sur Airbnb. L'un s'est vu refuser une réservation accordée à un ami blanc. L'autre a vu les policiers débarquer dans l'appartement qu'il occupait. Les voisins les avaient appelés, persuadés que les occupants étaient des cambrioleurs. Sébastien Letard pour la chronique économique sur Réunion Première, bientôt 6h45. Les prévisions météo avant de rejoindre Yves sur la route dans l'ouest ce matin. Alors dans l'ouest, le temps est plutôt agréable avec chaussées sèches. C'est pas de même sur le chef-lieu. Et dans l'est, ce matin, encore des averses sont attendues jusqu'à la mi-journée. Après, à la mi-journée, eh bien, ces nuages vont se développer également dans les hauteurs. Et seul l'ouest va continuer de bénéficier de larges périodes ensoleillées. Le vent, il est fort, 60 km/h. Il souffle dans le nord à Saint-Denis, dans le sud à Saint-Pierre. Et prudence, la mer est agitée. Aïe, ah, maman. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Mais quand la santé, hein, Yves Gruyé, attends à nous, cap là aussi. Absolument, qui est avec une circulation correcte dense, déjà en direction de Saint-Paul, en passant par ce front de mer depuis le Cap Laoussé, depuis Saint-Gilles. Bon petit trafic pour le moment, ça roule, ben vous circulez correctement. Si vous arrivez de Grand Fond pour les différents caps, Cap Omar, le Cap Champagne, Cap Laoussé, voilà, circulation sans trop de difficultés, feu de croisement encore allumé, en tout cas pour les véhicules qui roulent en automatique. Et la circulation qui se fait toujours avec un ralentissement en haut du viaduc, juste après la tranchée couverte, dense sur le sur la partie route digue, hein, donc avant de rejoindre l'échangeur suivant, l'échangeur de Savannah. Et puis l'entrée ouest, ça commence à se densifier vers la zone des Potences, mais le vrai bouchon se situe toujours à hauteur de la caserne Lambert quasiment, donc une entrée ouest à peu près correcte, mais restez prudent sur les deux derniers kilomètres avant le tunnel du Cap Bernard. Pont-Vincent dégagé des tranchées également, trafic soutenu vers les Jacques, c'est-à-dire entre le début de la voie de contournement de Sainte-Marie en direction du plateau de la Mare, le trafic légèrement ralenti, mais sinon c'est encore roulant pour venir de l'est. Attention, route mouillée, je le rappelle, il a plu et il pleut encore sur certaines zones, notamment dans l'est. Restez très prudents, levez le pied. Bonne route, à tout à l'heure. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Première. 10h midi. Vous êtes chez vous. Lionel Olivier. Vous aurez en tout cas tout à loisir de passer vos petites annonces à partir de 10h40. Nos dallons la cour. Bonjour. Comment ça va? 10h midi. Radio Novella. Le cinéma. Les bons plans. Song Story. La matinée ensemble. C'est encore mieux en première. Avec la première. À l'occasion de la fête de la musique, Réunion des musées régionaux vous invite à un rendez-vous exceptionnel gratuit le 21 juin à Stella Matutina. De 18h à 20h, ne manquez pas la conférence concert de l'auteur de référence Jean-Pierre Lasselve. Au programme de cette soirée, présentation des premiers instruments, des musiques traditionnelles et intervention musicale avec la participation du groupe Vavang. Les danses longtemps seront à l'honneur. Quadri, Sega, Polka, Valse, Nora l'ambiance le 21 juin à Stella Matutina. Plus d'informations sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Première. 6h47 sur Réunion Première, on s'intéresse maintenant à la presse écrite avec Cécile Thomas. L'Euro de football en une du quotidien ce matin, France-Suisse 0 partout. Hier, les Bleus, qui jouent en blanc, assurent la première place. Autre titre, à Trois-Bassins, ils meurent noyés lors d'une sortie en canoë. Petite île mortelle traversée pour un piéton. Défilé du Grand Boucan, 15 000 spectateurs autour de la souveraine. Le roi Dodo était une femme. Plan de gestion des déchets, le débat sur l'incinération s'ouvre à la région. Et puis à Salazie, à la découverte du piton maillot. Enfin en gymnastique, Issey Boyer, proche de Rio. Dimitri Payet en une du journal de Lille ce matin. Le Réunionnais qui est entré en cours de match hier et qui n'a pas marqué avec les Bleus. La France sort première de son groupe après ce score de parité 0-0 et une rencontre porteuse d'espoir malgré un cruel manque d'efficacité, écrit le GIR. Autre titre, meurtre de Saint-Pierre, il dit avoir tiré pour se défendre. Spot de Trois-Bassins, un kayakiste de 28 ans trouve la mort. Carnaval Grand Boucan fait le plein. Et puis le journal de l'économie, les croisiéristes touristes ont dépensé 1 100 000 euros. Dans la presse nationale, le foot en une ce matin d'aujourd'hui en France. Frustrant, titre le journal. Les Bleus se sont contentés d'un match nul face à la Suisse. Ils finissent premier du groupe A de l'Euro sans avoir convaincu. Autre titre présidentiel 2017. Pourquoi tant de candidats? Ils sont déjà une trentaine, dont une majorité d'inconnus, à s'être lancés dans la course à l'Elysée. Un record qui mérite des explications. Et puis chanson, Patricia Cass, retour en grâce. Le Brexit en une du Figaro. Le Royaume-Uni retient son souffle, titre le journal. À 3 jours du référendum sur la sortie de l'Union européenne, les sondages montrent un très faible écart entre partisans et opposants au Brexit. Autre titre, primaire à gauche, comment Hollande compte en tirer profit. Et puis des bateaux en une en photo. À Deauville, la solitaire bombarde le Figaro prend le large. Les 39 skippers de la 47e édition de la solitaire ont pris le départ hier du port normand pour la première étape de la course jusqu'à l'île de Wight. Le vent faible a marqué ce début de la célèbre course de monocoque qui comporte 4 étapes entre la France et l'Angleterre. Elle s'achèvera le 7 juillet à La Rochelle. On passe des bateaux aux avions en une de Libération. Avec le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, un vote en suspens, écrit Libé. Le Conseil d'État doit décider cette semaine s'il annule la consultation prévue dimanche sur la construction de l'aéroport nantais. Autre titre, Euro 2016, match neutre pour les Bleus. La France et la Suisse n'ont pas réussi à se départager hier soir, 0-0. Un résultat décevant au regard du match, mais indolore pour la suite. La sélection tricolore termine la phase de poule à la première place du groupe A. Et puis ce dernier titre, être gay avant et après Orlando. Vivement dimanche, c'est pas moi et c'est vraiment pas moi qui le dis, c'est l'équipe ce matin, Cécile. Oui, Jackie, séduisant en première mi-temps, puis gestionnaire en seconde. Les Bleus ont assuré l'essentiel contre la Suisse hier soir en tête du groupe A. Ils disputeront leur 8e de finale dimanche prochain à Lyon. Et ce sera peut-être sans vous, Jackie, mais il y aura plein de réunions l'année dernière. Dimitri Payet, ça fait... Ougad Football ou Cécile? Ouais, c'est un petit peu tard. J'aurais préféré finalement qu'il joue samedi soir, ça aurait été pire. On a bon opé la langue oui. Pâtée, je dis qu'elle n'est pas causée, gars, tu bosses. Vous l'avez remarqué. Bah là, pas, oh, ma là, Cécile. Aïe, aïe, aïe, je suis trahi. Bon, à bientôt à l'heure, à 8h. À tout à l'heure. Allons passer un coup à quoi se va la star, parce qu'il y en a football, mais il y en a aussi, il y en a bon opé, il y a tant de résultats. Alors, l'arrivée du quintet dans l'ordre d'hier, c'était à Chantilly. Le 10, le 16, le 8, le 5, le 15, dans l'ordre. Le numéro plus, c'est le 25-73. Aujourd'hui, c'est à Vichy, donc départ prévu à 15h47, 18 partants, montant de la tirelire 2 200 000 euros. Alors, voici les favoris de Pascal Maillot, 16, 15, 18. 16, 15, 18, la suite de son pronostic, le 4, le 5, le 13... Le 12, le 11 et en cas de non partant, 14. Mia a dit le 16, le 15, le 18, le 4, le 5, le 13, le 12, le 11 et en cas de non partant, le 14. Voici ceux du fouineur du GIR maintenant. Il conseille à Zad comme Pascal Maillot le 16 grand favori aujourd'hui. La suite de son pronostic le 18, le 4, le 10, le 5, le 8, le 11 et le 15. En cas de non partant, bah oui, c'était le 15. Un rappel de ses pronostics sera fait à 9h58 ce matin et l'arrivée cet après-midi, juste après le journal de 16h. Pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Bonjour Michael, je veux faire un jeu. Bonjour Tipoupette Danso. Aujourd'hui, 2 places pour ce jeu cinéma pour aller voir Viking, comédie française, donc cette jeune femme qui se cherche et qui se trouve en partie, on verra bien, dans cette comédie française sortie la semaine dernière, donc un film à voir en famille dans les salles du réseau Morifilm, Ciné Cambé Saint-Paul, Ciné La Case Saint-Denis, Cinéma Le Plaza à Saint-Louis, donc pour aller le voir, 02 62 99 2000, 2 places qui sont offertes ce matin, tout de suite. Vous êtes perdus, car vos chefs sont aveugles. C'est aïe ça? C'est qui le chef là-bas? Le chef, le chef. Ma vie est sans moule. Jackie, réveille la réunion. Le bras cassé n'est plus qu'à jouer. Aïe, maman, il m'a dit, aïe, maman, tu m'as fait ça. Jackie Réveille. Ah, bon. Grand matin. C'est ça. Sur Réunion Première. Ben oui. Ah oui. Ah bon? Bah oui. Bah oui, effectivement. Ah ben oui. D'assez simple, d'assez... qui doit déboucher... Déboucher, pardon. Ben... Est-ce que Claude est avec nous? Bonjour Claude. Ça va bien? Vous voulez bien? Oui, ça va. Alors, bien réveillé, pleine forme aujourd'hui, le lendemain de la fête des pères? Oui, bien passé. Oui, comme dit Nathalie, un bon bouillon la morue. Oui. Hein, pour soulager à nous un peu, ou bien un bread aussi serait bien, hein? Un bon bouillon bread, ouais. Un bouillon bread. Un bread morel, un bread sommeil. Après, il dort, il lève, puis... Alors, Mondalon, on gagne deux places de cinéma pour aller voir ce film, Vicky. Oui. Alors, c'est une comédie française à voir en famille. Hein. Donc, deux invitations offertes par Moré Film. On peut aller voir ce film au Multiplex Ciné Cambé à Saint-Paul, Ciné La Case, Saint-Denis, ou au Plaza à Saint-Louis. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup, Réunion Première. Gaïa, joignez à vous. Ok, merci. Salut Claude, 6h54 sur Réunion Première. Nous entamons les 5 derniers épisodes de cette saison de Radio Novella. La bande à Gougoutte et ce vendredi, ils prendront quelques jours de congé hein, pour revenir en forme. À la rentrée, nous l'espérons. Voici Radio Novella. Précédemment dans votre Radio Novella. Les Bogdanians ont voté ce dimanche 19 juin sera donc la journée mondiale du rougail-zap. Grâce à l'intervention de Gougout, le 19 juin a été adopté en journée mondiale du rougail-zarant sur Big Menton. Les Bogdaniens sont heureux de cette nouvelle, et en particulier le sergent Loulou. Mais comme toute bonne chose a une fin, et comme dit les Galacours, l'air les vieux. Et c'est maintenant l'heure pour notre bande de Dallons de revenir sur la Terre. Merci, merci, merci, mille fois merci, messieurs les humains. Ben écoute, tant mieux, j'y fais plaisir à Zot. T'es, j'ai faim là. Malgache là tout le temps sans faim, ça. Tu n'as pas le fou au coin. J'ai faim. Mais n'est pas possible. On doit avoir un verre solitaire. C'est quoi un verre solitaire? Eh ben, ça ressemble un peu à ce malbar sec qui est devant toi. Ah bon? Tiens, un bébé caroupaille dans ton corps? Tiens, quel gros moment, t'as envie de ton galeté? T'es les gars, arrête, grandis un peu. Ça, malgache là, ça. Eh, malgache là, il appelle les racoteaux, hein. M'a pas fait enfant avec autre sœur pour appeler à moi malgache. Ah bon? M'a pas sûr. Et même si m'a bien sûr, tu calcules de ma famille de sortir n'importe quoi? Eh, les gars, arrête, hein. Bon, c'est Jean Loulou. Ou la fin de gagner sa coûte V, acheter, allons dépenser nous déchirater. Ben, vous reste pas pour manger? Les encore bonnes, là, les mêmes pas 53h30. 53h30, le lait aussi m'y comprend pas une merde. T'es, non, t'es, là, il faut nous savane, là. Ben, reste pour manger, moulon, des nattes saucisses frites, bread chouchou, avec rougail tomate. Ah bon? Ben oui. Allez, messieurs les humains, reste juste pour manger. Après, c'est promis, m'y ramène à vous dessus la terre. Messieurs, reste pour manger. Attends, qui en a? Eh bon, et c'est son loulou, si nous reste pour manger, où ça nous mange? Nous va aller chez ma belle-mère, et pour vous, monsieur le grand humain noir, elle va faire deux œufs frites. Vous va manger avec bras de chouchou? Elle sera trop contente de recevoir à vous. Bon, qu'on s'en fait, hein? Et nous reste pour manger ou pas? Ah ben moi, je suis pas contre. Bon ben loulou, ben bon, nous reste pour manger alors. Par contre, allons boire un coup avant, non? N'a pas un bar par là, qui boit un billet bien glacé. Ben, c'est ça. Mais bien sûr que si, monsieur le humain. Allez, monte à ça dans le vaisseau. Allons boire quelque chose. Cinq minutes plus tard, voilà Gougout, Carpaï, Mamadou et Rakoto, ainsi que le sergent Loulou, attablés dans un bar Larac du centre-ville de Big Menton. Allons, messieurs les humains, quoi qu'il boit? Ben, je sais pas, comment on est 5 et bien pression? Ah non, c'est pas d'alcool pour moi. Si m'y conduit, m'y boit pas. Moi, je bois plus de limonade. S'il vous plaît, mademoiselle, monsieur, nous allons prendre 4 bien pression et 10 limonades, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, mérite tout de suite, hein. Merci beaucoup. Ah, on est bien content que vous êtes allé ici de rester pour manger. Il fait vraiment plaisir à vous. Eh, Clarence, arrête de lui chier. T'es pas contre les bizarres, hein. Les autres planètes, disons, les pareils, ça que la note. Mais bon, plus à faire, au somme. Ha, à part que la gueule. T'es gâton gueule avant mon 4 bonheur. Que? Bien sûr. À tes gâton gueule. Bonjour, messieurs. Alors, 4 bien pression. Voilà. Et une limonade pour vous. Merci bien, mademoiselle. Alors, convaincu? Non, c'est bon, c'est la maison qui offre. Comme c'est la première fois qu'une nanadie humaine vient ici. Ben, merci, madame. Et merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame le monstre. T'es capable. Capable. Dis merci, peste sauvage. Hein? T'es les gars, regardez. Faut blanc à trois tétés. Mais ça rôde un cas, je sais moi. Ah là là. Il y a un pied à tété, viens fou. T'es là pas un pied, hein? Un trip! Ah oui, nous les plus que pas hâte quand ou aïe! T'es mademoiselle? Oui, monsieur. Obit toujours les là-haut? C'est merveilleux, mon ami. Pas de problème, c'est ça le fait. On fait rien. Y'a pas un touché, même. Ça, c'est dangereux! Ah, bon! Aïe, aïe, Aïe. Radio Novella, il ne marche pas par deux, il ne marche pas à trois, par là-bas. Alors, rediffusion ce matin à 10h20 de Radio Novella dans C'est encore mieux en première. Allez, l'information routière à présent, juste avant le journal de 7h. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves Gruyère, Bruniquel. Oui, en étant passé par la voie de contournement de Saint-Gilles-les-Bains, je suis pas passé par la rue Général de Gaulle, où vous êtes en nettoyage après cette grande fête du Grand Boucan. D'ailleurs, il y a encore quelques véhicules arrêtés le long de l'ancienne quatre voies, également vers les parkings qui étaient à disposition ici vers le rond-point d'Eden. Les gens qui ne sont pas encore tout à fait réveillés de cette grande manifestation. Un trafic correct par contre, hein, donc pour vous qui circulez en direction de Saint-Paul. Toujours alors sous la tranchée couverte sur cette fin de route d'État Marin, des zones plus ou moins roulantes, mais il y a encore pour ralentissement sur la Rodique. Par contre, bonne nouvelle côté entrée ouest, c'est repassé sous le tunnel du Cap Bernard. Pont Vincennes toujours fluide, des tranchées également, et puis l'entrée est relativement roulante, hein, donc même sur la voie de contournement de Sainte-Marie, encore assez peu de problèmes. Attention par contre, la route est mouillée, faut-il le rappeler, donc si vous arrivez de l'ouest, changement de temps à partir de la Grande Chaloupe et en direction du chef-lieu. Voilà, vous notez qu'il y a des travaux de purge de falaise prévus, si le temps le permet, une nouvelle fois cette semaine, au niveau des rampes de Basse-Vallée. Des coupures possibles de circulation environ 45 minutes en dehors des heures de pointe, 8h30, 15h30 prévues pour toute cette semaine au moins. Attention, donc soyez patients. Très bonne route avec la première. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et c'est dense ce matin, donc depuis la route Digue en direction de Savannah et de la pluie dans l'Est. Soyez prudents sur la route et merci d'être à l'écoute de Réunion Première. Il est déjà 7h. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Week-end dramatique sur les routes, mais aussi en mer. Dans le sud, un quinquagénaire a été fauché par une voiture alors qu'il traversait la chaussée. Aucune explication pour l'instant. À Trois-Bassins, une personne est morte en faisant du canoë. La victime et ses amis ont chuté dans une mer très agitée, selon plusieurs témoins. On en parle dès le début de ce journal. Une session d'assises s'ouvre aujourd'hui à Saint-Denis. Trois affaires au programme, des dossiers de violence conjugale, notamment présentation à suivre. Il y aura bien une primaire à gauche pour les présidentielles de 2017. C'est officiel depuis ce week-end. Une décision prise à l'unanimité et saluée ici à La Réunion par Philippe Leconstant. Nous l'entendrons tout à l'heure. On reviendra aussi sur le match nul 0-0 de la France hier soir face à la Suisse. À l'Euro de foot, les Bleus terminent tout de même en tête de leur poule pour le plus grand plaisir des supporters réunionnais. Réaction à suivre. Et puis il y aura de l'ambiance à la fin de cette édition avec le Grand Boucan hier à Saint-Gilles et la fête de la musique demain 21 juin. Réunion Première, Florent Marot. Ils étaient allés faire du canoë et du paddle sur le spot de Trois-Bassins, une sortie en mer qui a finalement mal tourné. Selon plusieurs témoins, l'océan était en effet très agité, le groupe de 6 personnes a chaviré. Finalement, les pompiers et les gendarmes sont parvenus à secourir 5 personnes, la 6e ramenée sur la plage est décédée. Les précisions du commandant Lionel Échard de la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul. Un groupe de personnes nous a été signalé dans la pointe de Trois-Bassins, dans l'eau, ayant chaviré de plusieurs embarcations. Il s'avère qu'ils étaient 6 personnes, 5 majeurs et un enfant de mineur, qui ont chaviré de leurs embarcations sur 2 kayaks et un paddle. Certains ont réussi à sortir d'eux-mêmes de l'eau, d'autres ont été sortis par les pompiers. Malheureusement, il manquait une personne qui a été découverte par les pompiers à peu près 45 minutes plus tard, et également avec le renfort de la section aérienne gendarmerie qui est venue pour participer aux recherches. Cette personne a été transportée pour être médicalisée, sachant qu'elle a quand même passé assez longtemps sous l'eau. Le commandant Lionel Échard de la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul. Autre drame sur la route, cette fois un homme de 50 ans a été tué hier soir sur la route de Grand-Anse. L'accident s'est produit sur la trois voies qui descend vers Grand-Bois. On ignore pourquoi pour l'instant, mais le quinquagénaire a brusquement traversé la chaussée et a été fauché par une voiture. Ce décès porte à 20 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Et pourtant, les gendarmes étaient nombreux sur les routes. Hier, ils ont sanctionné 40 automobilistes. 12 permis ont été retiré à cause de l'alcool. Retour maintenant sur ce drame familial survenu samedi soir à Pierrefonds, au cœur de la cité des Trois Cheminées. On parle là du conflit familial, de violence conjugale. En tout cas, un homme d'une trentaine d'années a tiré sur son beau-frère, a touché en pleine tête. La victime est morte sur le coup. Une autopsie est prévue aujourd'hui. On reparlera également de violences conjugales cette semaine aux Assises. Une nouvelle session s'ouvre aujourd'hui dans le box des accusés. Ce matin, Joël Hérault, il aurait tué Maurice Épart pour un vol supposé à son domicile. C'était en avril 2014. Seront examinés également une tentative de meurtre sur conjoint et le dossier de Johan Ragoût, jugé en appel pour torture et acte de barbarie. Nadine Bachelot. Johan Ragoût revient devant ses juges, condamné à 5 ans de prison en première instance. Alors que l'avocat général avait requis 3 fois cette peine, le parquet a décidé de faire appel. Johan Ragoût devra s'expliquer une nouvelle fois sur cette soirée de septembre 2013, au Tampon, au cours de laquelle sa compagne et une de ses fillettes ont été ébouillantées avec de l'huile chaude. L'homme de 27 ans a toujours soutenu le geste accidentel. Denis Latra, lui, comparé pour tentative de meurtre sur son ex-concubine, c'était en août 2014 à la rivière Langevin, lors d'un pique-nique. Un geste qu'il ne s'explique pas, a-t-il répété lors de sa garde à vue. Mais aujourd'hui, la session débute avec Joël Hérault dans le box des accusés. Il comparaît pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Joël Hérault s'en serait pris à la victime pour une histoire de vol à son domicile. L'homme est décédé à la suite d'un déchaînement de violence sans commune mesure avec le mobile avancé. Des violences qui vont être au centre des débats. Car pour l'instant, difficile de comprendre la multitude de coups pour un simple vol. Et Joël Hérault encourt 15 ans de réclusion criminelle. Verdict demain. Le compte à rebours a commencé pour Thierry Robert et Michel Fontaine. Ils vont devoir choisir parlementaire, maire et depuis décembre dernier élu au conseil régional. Thierry Robert et Michel Fontaine totalisent 3 mandats électoraux impossibles selon la loi relative au cumul des mandats votée en 2014. Les deux hommes disposaient de 30 jours vendredi dernier pour prendre leur décision. Il leur en reste donc 27. Politique toujours, il y aura bien une primaire à gauche pour les présidentielles de 2017. La décision a été actée ce week-end lors du conseil national du Parti Socialiste. Une décision prise à l'unanimité. Résultat, la primaire est prévue les 22 et 29 janvier prochains. Ce sera la première fois sous la 5e République qu'un président sortant devra passer par des primaires s'il souhaite briguer un second mandat. Pas de quoi inquiéter l'entourage de François Hollande. Au contraire, Philippe Leconstant, le premier secrétaire de la Fédération Socialiste dans l'île, salue cette initiative. Le Parti Socialiste a été le premier grand parti en France à organiser des primaires, c'était en 2011, et ça a porté au pouvoir François Hollande. Donc nous étions dès le départ pour des primaires qui sont désormais inscrites dans nos statuts. On aurait aimé des primaires de toute la gauche. Malheureusement, certains partis n'ont pas souhaité y participer, donc on s'est mis tous d'accord à l'unanimité, toutes tendances confondues au sein du Parti Socialiste, pour organiser ces primaires avec toutes celles et tous ceux qui en France ne souhaitent pas le retour de la droite et tout ce qui s'annonce comme politique désastreuse en faveur des plus défavorisés. Donc nous allons organiser ces primaires à La Réunion et donc nous ferons tout pour que ces primaires soient un succès et qu'elles créent une dynamique autour de la gauche de gouvernement. Philippe Leconstant, premier secrétaire de la Fédération Socialiste à La Réunion, interrogé par Priscilla Etève. Et que pense Vanessa Miranville de ces primaires? Sophie Persson lui posera la question ce soir. La maire de la Possession est dans Devant La Réunion de 18h15 à 19h. Réunion première, 7h07, la CGPME au secours des PME, les petites et moyennes entreprises. Et oui, son objectif, permettre aux PME de décrocher des marchés publics. Pour cela, la Confédération a travaillé à la mise en place d'un contrat entre les collectivités et 14 associations. Ce qu'on appelle la stratégie du bon achat devrait faciliter les démarches des TPE et PME pour répondre aux appels d'offres. La commande publique deviendrait alors plus accessible grâce à des mesures adaptées. Suzette Emma a rencontré les membres de la CGPME. Dans le BTP, par exemple, les marchés publics, c'est 1 milliard. Dominique Vienne, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, affirme que les PME peuvent décrocher une part de gâteau de ces marchés publics. On doit vouloir que dans ce milliard, il y ait 20-30% en plus qui soit vers les TPE-PME. C'est possible aujourd'hui. Ça l'était beaucoup moins hier, dans le labyrinthe des procédures d'appel d'offres. Trop complexe, les entrepreneurs étaient perdus et baissaient vite les bras. Autre bémol, les marchés publics n'étaient pas adaptés à la petite taille des entreprises locales. Aujourd'hui, tout va mieux. Exemple avec Philippe Arnaud du syndicat des entreprises numériques. Une entreprise de service, vous devez délivrer finalement une prestation qui va s'étaler sur plusieurs mois. Le marché en question ne vous permet pas d'obtenir ce qu'on appelle une avance, apporter un peu de l'eau au moulin. Alors que tout simplement, finalement, ce qu'on appelle un acompte, permettait de démarrer le marché dans de meilleures conditions. C'est ce qu'on a obtenu auprès de plusieurs collectivités. Autre avancée, les TPE et PME sont mieux armés pour concurrencer les grandes entreprises. Le travail qu'on a fait avec les collectivités, ça a été finalement de bien anticiper les marchés qui étaient préparés par les donneurs d'ordre. Et donc ça donne quoi ? Ça donne du temps à l'offre locale de se structurer, souvent aux TPE de fonder des groupements. Et finalement d'être plus compétitif. L'emploi, la valeur travail, il en sera question juste après ce journal avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Frédéric Narasiguin, vice-président du syndicat des opticiens à La Réunion. Au menu également son titre d'opticien de l'année 2016. Allez, on passe au sport. De nombreuses occasions, mais malheureusement pas de but. Dimitri Payet n'a pas marqué hier soir avec la France à l'Euro de foot. Mais les Bleus terminent tout de même en tête de leur poule après ce match nul. Hier soir, 0-0 face à la Suisse. Les supporters à La Réunion ont espéré jusqu'à la dernière minute. Ils ont même vibré lorsque l'équipe de France a touché la barre. C'est arrivé à 3 reprises. Alors pour la première fois, 200 personnes ont pu suivre ce match sur grand écran au Cinépalme à Sainte-Marie. Et certains n'ont pas hésité à venir avec leur vouvouzela. C'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Il n'y a rien à dire. On s'y croirait sur place. C'est bien chouette ça, on a un grand écran par rapport à la case de petit écran. Hein. Mais ici, il y a un tas de monde. Après, la case n'a rien que moi, que mon papa, il garde le football. Du coup, mais si vous trouvez toi, petit camarade, tu connais un petit peu le football, comment il est. Hey, on fait encore plus popcorn gratuit comme ça. Ben, c'est chouette ça, on a pour boire aussi. C'est mieux qu'à la maison, c'est plus grand et il y a plus de gens et ça va. C'est bien, on est bien placé. Ça va, un bon petit ambiance. Il manque un peu plus de monde, selon moi. C'est bien pour l'ambiance, tout, il y a plein de gens. Ça qui est mieux qu'à la maison. C'est super, l'écran, il est super grand et tout, la bonne place, donc oui, c'est super. Des réactions recueillies par Olivier de la Richaudie. France-Suisse 0-0. Donc hier soir, les Bleus terminent en tête de leur poule. Ils joueront contre un troisième lors des huitièmes de finale. Football, toujours pas de surprise hier pour la fin des 32e de finale de la Coupe régionale de France. Tous les clubs de D1 et R sont passés au final. Dans l'élite, seule la Saint-Louisienne samedi soir et le RC Saint-Benoît vendredi ont été éliminés. Les 16e de finale se joueront les 2 et 3 juillet. De la course à pied maintenant avec le triplé de Frédéric Duchemann. Il a remporté hier pour la 3e fois consécutive le trail du Bassin-Bœuf à Sainte-Suzanne. Chez les femmes, victoire d'Aurélie Fournat. Et puis en cyclisme, Cédric Gasnier, le nouveau champion de La Réunion de course en ligne. Le coureur du VCSD s'est imposé hier à Saint-Pierre. Cédric Gasnier qui fait le doublé après sa victoire sur le trophée des grimpeurs. C'était jour de carnaval hier à Saint-Gilles avec la 20e édition du Grand Boucan. Près de 15 000 personnes se sont déplacées. Cette année encore, la tradition a été respectée. Chars, danseurs et musiciens ont défilé dans la rue principale. La seule différence pour cette cuvée 2016, le cortège n'était pas mené par le roi Dodo, mais par la reine Dodo. Et après le Grand Boucan, demain c'est la fête de la musique, enfin officiellement, parce que dans certaines communes on a pris de l'avance. C'est le cas notamment à Saint-Denis. La 2e édition du festival 3 jours avec au musée Léon Dirks. C'est d'ailleurs achevé hier. Cette année, c'était 3 jours avec la musique française. Ravel, Debussy, Fauré ou encore Chopin. Une 20aine de marmailles ont interprété de grands classiques. François Vigneron est directeur du conservatoire à rayonnement régional de La Réunion, organisateur de l'événement. 3 jours avec la musique française. L'idée, c'est d'avoir un lien avec les collections du musée. Donc cette année, Léon Dierks, français, musique française. Donc on a cherché à imaginer des choses autour, notamment de la correspondance qu'il peut y avoir entre peintre et musique. On a du Debussy, du Ravel, du Fauré, mais aussi des compositeurs moins connus, de Fontaine. On a eu Casterhead. Voilà, on a énormément de choses, plutôt début 20e que fin 19e d'ailleurs. En conservatoire, on a énormément d'enfants qui pratiquent cette musique. Donc c'est aussi l'occasion de montrer ça. On a aussi des jeunes qui aiment cette musique et qui la pratiquent. François Vigneron, directeur du conservatoire à rayonnement régional de La Réunion, interrogé par Priscilla Etève. Et d'autres prestations sont prévues demain à partir de 16h à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. C'est la fin de ce journal. Juste après l'invité de la matinale, Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Frédéric Narasiguin, opticien de l'année 2016. L'info revient à 7h30. 7h12 à l'écoute de Réunion Première. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On vous rappelle donc que c'est dense hein, ce matin sur la route, notamment sur la route d'Ic dans l'ouest, et de la pluie dans l'est. Donc prudence, 12 permis retirés à cause de l'alcool ce week-end. On y reviendra dans les prochaines éditions. Donc la prochaine édition locale, ce sera à 8h, avant que Claude Montané y rouvre le débat sur Réunion Première. Allô Première. Élevé à La Réunion, c'est nourri. Il y a des jeunes qui se font assister parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, il faut le dire. Moi, j'ai 33 ans, je n'ai pas de bon foi. Nos politiques sont encore ancrées au XXe siècle. Elles ne sont pas ancrées au XXIe siècle. Du lundi au vendredi, le débat. Allô Première, Claude Montané. 8h, 9h. Sur Réunion Première. 8h, 9h sur Réunion Première avec Claude Montané. On parlera de l'alcoolisme à La Réunion. Où en sommes-nous dans la prévention? Poussez les portes du conservatoire Rayonnement Régional. Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans et redécouvrirez les danses traditionnelles de La Réunion, Maloya, Sega, Quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes et les préinscriptions sur le www.conservatoire.regionreunion.com. Nutracini rayonne au conservatoire. À l'occasion de la fête de la musique, Réunion des musées régionaux vous invite à un rendez-vous exceptionnel gratuit le 21 juin à Stella Matutina. De 18h à 20h, ne manquez pas la conférence concert de l'auteur de référence Jean-Pierre Lasselve. Au programme de cette soirée, présentation des premiers instruments, des musiques traditionnelles et intervention musicale avec la participation du groupe Vavang. Les danses lentons seront à l'honneur. Quadri, Sega, Polka, Vals, Nora l'ambiance le 21 juin à Stella Matutina. Plus d'informations sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Première. C'était un cas, Zati écoute Réunion Première, nous prend tout de suite des nouvelles du trafic routier avec Yves Grouillet. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves Grouillet qui nous attend à la pointe des châteaux. Oui, c'est un petit parking au milieu des champs d'épinards, mais les épinards, comme ils ont sec en ce moment, ils manquent de feuilles, et quand on regarde à travers les épinards, et bien malheureusement... C'est un tas de détritus, c'est sale. D'ailleurs, il y a même marqué « bande porc » sur le petit muret ici. Voilà, circulation en attendant. Là, elle se fait correctement sur cette partie littorale, route des plages. Attention aux cyclistes, ils sont toujours nombreux, quel que soit le jour de la semaine. Trafic correct pour rejoindre Saint-Paul, en passant par le Front-Mer, en tout cas de Grand Fond jusqu'à Boucan. Donc pas de gêné par le lever de soleil au niveau du Cap Laoussais ce matin. Que le temps est toujours maussade sur une grande partie de l'île. Si c'est un peu clair ici, on attend le soleil. Mais la pluie est toujours d'actualité dans l'est, notamment du côté de Saint-Benoît. Attention, vous qui circulez là-bas, la chaussée reste bien mouillée sur une bonne partie, toute la partie est de l'île, depuis le sud sauvage jusqu'à Saint-Denis. Réalisez votre vitesse, la circulation légèrement ralentie au secteur Ravine des Chèvres. Et après, c'est relativement roulant pour arriver jusqu'au fond de mer de Saint-Denis. L'entrée ouest, par contre, là, il y a un peu plus de monde, parce que ça démarre avant les potences pour les ralentissements, donc avant d'arriver sur le chef-lieu. Pont-Mitsan qui reste dégagé. Côté ouest, c'est à l'entrée maintenant de la tranchée couverte. Entre Plateau Caillou et la tranchée, il y a un peu plus de ralentissement sur cette fin de route des Tamarins. Côté ouest, donc ici, sans problème sur le littoral. Attention, il y aura des travaux de marquage qui vont se faire à proximité du giratoire sud, celui qui a été mis en service la semaine dernière. Travaux de marquage avec chaussée réduite. La vitesse est toujours limitée à 50 km/h, le chantier n'étant pas encore terminé totalement. Très bonne route avec la première. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Et ce n'est pas une illusion d'optique qu'il y a bien des nuages dans l'est ce matin à La Réunion avec de la pluie et beaucoup de vent. Jusqu'à 60 km/h attendu à Saint-Denis. Également à Saint-Pierre, vers la mi-journée, encore des nuages, cette fois qui vont se développer sur les hauteurs. Seul l'ouest bénéficie en ce lundi de belles périodes ensoleillées. Merci d'être à l'écoute de La Première, 7h17. L'invité de la matinale sur Réunion Première. Philippe Dornier, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Il est vice-président du syndicat des opticiens de La Réunion et président du groupe Optique Développement. Frédéric Narasiguin répond à vos questions ce matin. Frédéric Narasiguin, bonjour. Bonjour. Vous présenterez ce matin le prix de l'opticien de l'année 2016, une récompense nationale qui vous a été décernée mercredi dernier au Sénat. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce prix il sert surtout à vous faire de la publicité? Déjà, c'est vrai que moi, j'ai reçu un appel un jour, il n'y a pas très longtemps. Déjà, l'année dernière, j'ai été nominé, donc j'étais très surpris. Et cette année, on m'a rappelé à nouveau. pour me dire que sur les 13 000 opticiens, j'étais à nouveau nominé. Et bon, quelle surprise en tout cas de faire partie de l'opticien de l'année 2016. C'est sûr que c'est un gros coup de pub pour La Réunion. Ça c'est sûr, parce que au Sénat j'ai pu passer un petit film sur La Réunion, et donc de mettre en avant La Réunion, et c'est toujours bien d'être reconnu par ses pairs. Alors ce prix d'opticien de l'année, il vous est attribué en tant que patron du groupe Optique Développement. Est-ce que vous le partagez avec tous vos confrères, ou vous allez le mettre en avant comme un argument commercial? Alors c'est le prix d'un opticien, effectivement. Mais je le partage bien évidemment avec mes collaborateurs qui sont avec moi au quotidien. Je pense notamment à mon adjointe Isabelle Balboliard et tous mes collaborateurs. Et donc je le partage avec tous mes collaborateurs. Alors ça ne doit pas éclipser un aspect polémique de ce secteur, le prix des lunettes. La France est le pays le plus cher en matière d'optique selon une enquête de l'association UFC Que Choisir, l'association de consommateurs. Le fait que le système de santé français rembourse les frais, ça ne favorise pas des prix élevés? Bah, en fait, les prix, ça y est, ils ont été encadrés. Il y a eu effectivement des débats, et même des débats au niveau du gouvernement à ce sujet. Maintenant, on est sur des contrats responsables. Vous savez qu'il y a une partie de la mutuelle qui prend en charge les lunettes, voire même tout en charge. Et depuis le 1er janvier 2016, les prix sont encadrés maintenant, désormais. Déjà, à La Réunion, il y a plus de 200 magasins, donc on a déjà des prix très compétitifs, voire des prix métropoles, voire même en dessous des prix métropoles. Et on a maintenant des prix encadrés par des lois, des prix plafonds et planchers également. Mais les pouvoirs publics viennent de créer, c'était début juin, un observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale. Ça veut dire qu'il y a encore besoin de surveiller le secteur? L'observatoire des prix sur l'optique? Oui. Disons que tout secteur doit être regardé. Après, au niveau de l'optique, en fait, je pense qu'en France, on a la chance d'avoir une qualité de parcours de santé visuelle qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres pays. Et puis la chance aussi d'avoir un leader mondial verrier qui est Essilor, et qui nous propose toujours des nouvelles technologies, et ce qui met du coup en avant le produit de l'optique. 13 000 opticiens en France, vous le disiez tout à l'heure, environ 150 à La Réunion. Est-ce qu'il y a assez de concurrence, ou autrement dit, est-ce qu'ils s'en sortent tous dans le département? Non, c'est un marché compétitif. On s'en sort. En tout cas, ça montre que le consommateur a le choix entre toute cette compétitivité. Ça montre aussi que le territoire de La Réunion est dynamique. Ça montre qu'on est capable de faire aussi bien que la métropole, et de proposer en tout cas toutes les technologies à La Réunion, et puis pour tous les pouvoirs d'achat sur La Réunion. Une école d'optique a ouvert ses portes en 2012 à Saint-Gilles-Léo. Vous avez contribué à sa création, Frédéric Narasiguin. Avec quel objectif, et est-ce qu'il est atteint? Oui, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de partir en métropole quand j'ai quitté mes études à Saint-Paul, et c'est vrai que ce parcours n'est pas évident en métropole. Vous avez dit que vous avez eu la chance de partir en métropole, oui. C'était une chance vraiment? Bien sûr que c'était une chance, parce que effectivement mes parents avaient les moyens de pouvoir m'envoyer en métropole et de payer mes études, donc oui c'est une chance, et en tout cas moi je souhaitais que sur le territoire de La Réunion ils puissent avoir cette filière. Et les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer, les Réunionnais qui ne peuvent pas se déplacer, puissent faire la formation ici. Et effectivement, avec le syndicat, on a réussi à faire un accord cadre avec l'État, la région, la Chambre des métiers, le rectorat, le Pôle emploi, ce qui a permis en tout cas d'avoir une centaine de jeunes aujourd'hui dans les écoles. Le taux de réussite, il pourrait être meilleur. Il n'y a qu'un tiers des jeunes qui décrochent le diplôme d'opticien en fin de cursus. Cet échec de 2 apprentis sur 3, comment vous l'expliquez? Cet échec, bon, déjà on le voit là au niveau national, mais c'est surtout parce qu'on a ils sont à l'école et ils sont en entreprise. Donc vous savez que le parcours est un peu plus long, et puis il y en a qui tentent la chance au bout de 2 ans, mais ils les décrocheront au bout de la 3e année, voire au bout de la 4e année. Et donc l'objectif, c'est qu'ils deviennent tous opticiens, voire même aller jusqu'à la licence et le master de la vision. Combien de jeunes formés chaque année finalement ici à La Réunion? Dans l'école aujourd'hui, on compte en tout quasiment 60 jeunes. Donc tous les ans, il y a 60 jeunes qui se forment, et puis ils vont aller tout jusqu'au bout de leur formation. Alors une particularité, c'est que dans cette école, il y a plus de candidats que de places. Du coup, il faut passer par une sélection. Est-ce que ça ne favorise pas une certaine forme d'élitisme? Non, mais comme tout, comme partout, de toute façon, il y a le syndicat d'opticiens définit les besoins de candidats, et ensuite il y a une sélection qui se fait. Je vais pas dire naturellement, puisque il y a une sélection au Pôle emploi, il y a une sélection par la Chambre des métiers avec des évaluations, et au bout de ces évaluations, ça nous permet d'avoir les personnes les plus motivées aussi pour faire ce métier. Et sur quoi vous vous basez pour évaluer ces besoins dont vous, que vous évoquez ? Bah, c'est surtout chaque opticien met en place son dynamisme commercial, et donc les besoins en fonction des ressources qu'il a besoin pour les magasins, et voilà, chacun définit ses besoins, et ensuite on les recrute. En tout cas, de quelle façon justement vous les faites travailler, ces jeunes, En magasin? Oui, enfin, de quelle façon vous les employez pendant leur formation? Voilà, bah, pendant la formation, on apprend le métier d'opticien, le savoir-faire, le savoir-être également. Donc, ils passent 3 jours en magasin et puis 2 jours à l'école. Et donc, on apprend à la fois le montage des verres, l'accueil client, le professionnalisme, les produits. Voilà. Donc. Ce sont des contrats d'alternance? Tout à fait, ce sont des contrats d'apprentissage pour certains. Pour d'autres, ce sont des contrats de professionnalisation, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en contrat chez nous. Pour d'autres, ils passent la VAE, hein, donc la validation, validation des acquis et des expériences, c'est ça ? Exactement, voilà. Donc dans le but d'être opticien et se perfectionner. Et est-ce que ce n'est pas un moyen d'avoir une main-d'œuvre bon marché ? Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critique ? Non, disons que là, on est sur l'embauche locale. Donc on a besoin, en tout cas à La Réunion, de pouvoir embaucher localement et de former des opticiens localement. Donc, voilà, c'est il y a des promesses d'embauche de fait, clairement, lorsque les jeunes sont en alternance. Il y a des réelles perspectives d'emploi durable? Oui, complètement. Vous savez, quand vous avez un jeune dans l'entreprise pendant 2 ans, 3 ans, et puis qu'il fait ses preuves, bien, vous avez envie de le garder au bout de ces 3 ans. Et en tout cas, tous ceux qui ont eu leur BTS opticien sur La Réunion ont eu un emploi. Elle dure combien de temps, la formation ? Alors, le BTS en lui-même dure 2 ans. On peut le passer au bout de la 3e année après également. Mais voilà, si au bout de 3 ans, on peut décrocher un BTS. Au bout de 2 ans, on peut décrocher aussi ce qu'on appelle le CAP, enfin l'ancien CAP BEP, c'est le bac pro optique. Les opticiens, ils font partie des professionnels de santé. Pourquoi être obligé de passer systématiquement par un ophtalmo ? Ah oui, donc ça c'est la loi, c'est légiféré. Donc on a besoin, pour délivrer un équipement d'optique, c'est-à-dire une monture et une paire de verres, d'avoir une ordonnance médicale. Et donc, ce qui d'ailleurs permet aussi de passer par un médecin ophtalmologiste pour vérifier la santé de ses yeux. Pour être vendeur dans un magasin de lunettes, on ne peut pas se contenter d'être commercial, il faut vraiment des compétences spécifiques. Ben disons que pour monter un magasin optique, il faut être opticien. Et ensuite, de plus en plus, vu la demande, on a de plus en plus développé ce qu'on appelle par exemple la contactologie, donc les lentilles de contact, la basse vision, la spécialité sur les enfants. Donc oui, on a besoin de plus en plus de compétences. Et notamment, on passe la licence et le master de la vision justement pour obtenir ces compétences complémentaires. Frédéric Narasiguian, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Bonne merci journée. À vous. Merci messieurs. Frédéric Narasiguian, vice-président du syndicat des opticiens de La Réunion et président du groupe Optique Développement, répondait à Philippe Dornier. Dans 3 minutes sur Réunion Première, le journal de France Info. Avant cela, l'essentiel de l'actualité à La Réunion avec Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Objectif atteint pour la France à l'Euro de foot. Les Bleus terminent en tête de leur poule après un match nul 0-0 hier soir face à la Suisse. Dimitri Payet n'a pas marqué, mais il a touché la barre. Les supporters, eux, ont pu suivre ce match sur grand écran au Cinépalme à Sainte-Marie. 200 personnes étaient sur place. On reparlera sport à la fin de ce flash. Beaucoup de contrôles ce week-end sur les routes. Les gendarmes ont même sanctionné 40 automobiles

Les obsèques du couple de policiers tués lundi dernier à Magnanville sont célébrées ce matin dans l'Hérault, la terre natale de Jean-Baptiste Salvin, qui sera inhumé avec sa compagne Jessica Schneider à Montagnac, près de Pézenas. Hier, plusieurs milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées à Mantes-la-Jolie, à l'appel cette fois de la communauté musulmane pour rendre hommage au couple de policiers. Un cortège entre la mosquée de Mantes et le commissariat. Amazon fait polémique à Paris. Le nouveau service de livraison rapide de produits frais et de produits du quotidien ne passe pas du tout à la mairie. Livraison express en une heure à domicile à Paris et dans la petite couronne. Après les États-Unis et l'Angleterre, le géant américain de l'Internet débarque sur ce créneau particulier à Paris. Ce service a été lancé jeudi d'un entrepôt installé dans le 18e arrondissement. Ça va de la culture aux jouets en passant par l'alimentaire. Mais la mairie n'a été mise au courant que quelques jours avant et elle s'inquiète d'une déstabilisation des équilibres commerciaux parisiens. Bref, c'est vu comme un danger pour le commerce de proximité. Olivia Polski est adjointe à la ville de Paris, chargée du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et indépendantes. De prime abord, ça peut être une très bonne nouvelle de se dire qu'il peut y avoir un nouveau service commercial. Sauf que c'est une sorte de ce qu'on appelle une marketplace, un lieu de vente dématérialisé, mais qui n'a pas du tout les mêmes contraintes que tous les autres commerces aujourd'hui. Et donc, même s'ils sont dans la légalité, c'est une forme de concurrence déloyale. D'autant que ça va créer des nuisances très importantes pour les riverains, ça va créer des vraies problématiques sur les livraisons. Le nombre de véhicules prévus va forcément engorger le secteur. Olivia Polski de la ville de Paris. Les vacances, les grandes vacances approchent et comme chaque année, les parents d'élèves se posent des questions. Officiellement, les vacances scolaires, c'est cette année le 5 juillet, mais bon nombre de collèges et de lycées anticipent. Les élèves ont déjà arrêté les cours pour cause de bac et de brevet. Dans certains collèges notamment, on a déjà rendu les livres où on s'apprête à le faire et c'est classique. Les parents se demandent ce que vont faire leurs enfants jusqu'au début du mois de juillet. Illustration avec ce reportage de Sébastien Berriot au collège de Thuire, près de Perpignan. Au collège de Thuire, les élèves de 6e, 5e et 4e vont rendre leurs livres. Aujourd'hui, on est à peine au 20 juin, mais pour beaucoup d'enfants, ça sent déjà les vacances. Bah nous, ça nous arrange parce que du coup, on finit plus vite. Bah, je pense que c'est bien parce qu'on revoit plus les profs et on termine une semaine avant les primaires. Moi, je suis trop content. Moi, je pars au bled ce soir. Les vacances commencent maintenant. Le principal, lui, assure que les enseignants vont continuer de faire cours, officiellement jusqu'au 5 juillet. Mais dans les faits, le collège va rapidement devenir désert et certains parents ne comprennent pas. Je pense que c'est tôt. Les collégiens sont, entre guillemets, livrés à eux-mêmes les 15 derniers jours de juin. Mon fils, jusqu'à début juillet, il va être à la maison, moi je travaille. Ça devient très compliqué pour lui parce qu'il adore l'école déjà d'une part. Il y a trop de cours vacants, quoi, disons. Et ils savent plus quoi faire à la maison, ils sont bêtes. Cette année, avec un brevet qui se déroule un peu plus tôt et avec des profs en formation pour la réforme de septembre, les salles de classe risquent de se vider encore plus vite. À Thuire, dans les Pyrénées-Orientales, Sébastien Berriot, France Bleu Roussillon, pour France Info. Et un résultat de basket aux États-Unis. Cleveland vient de remporter pour la première fois de son histoire le titre NBA en battant en finale le champion 2015 Golden State. Les Cavaliers et leur star LeBron James ont signé la 4e victoire décisive 93-89. Ils se sont imposés 4 victoires à 3. Ils deviennent au passage la première équipe de l'histoire à être sacrée après avoir été menée 3 victoires à 1. Ils sont remontés et c'est un triomphe en particulier pour LeBron James qui compte désormais à son palmarès 3 titres NBA. C'était le journal de Jean-Christophe Martin. L'info revient à 8h. Et à 8h sur Réunion Première, donc dans 20 minutes, le journal de la rédaction sera présenté par Cécile Thomas. Avant de vous emmener sur les routes avec Yves Gruyer et également parler de Saint-Philippe dans les lieux dits, voici les prévisions météo. Alors sur l'est de la Réunion, eh bien c'est encore sous les nuages que se passe ce début de semaine. Ces derniers s'accompagnent de fréquentes ondées, donc de la pluie qui gagne du terrain au fil des heures. On aura des nuages qui vont atteindre les plaines et le massif du volcan en cours de matinée. Ah, force un petit coup de pluie. Demain, la pluie, j'ai de cas, je dois mettre la pluie dans la radio encore. Le bruit balai d'essuie-glace sur la plaine d'aider. De la pluie encore pour ce matin. Le temps, les piègues, Saint-Denis aussi, avec pas mal de vent. On attend des rafales de 60 km/h sur le chef-lieu, également dans le sud, à Saint-Pierre. On a un régime de brise sur les plages de l'ouest et de belles éclaircies également pour la journée dans l'ouest. Et attention, il y a toujours de la houle. Ça, c'est la meilleure référence, tiens. Écoutez, ben, disons, filme la météo là, déconnez donc. Merci pour l'illustration sonore d'Edé Sinaretti. Allez, avant de partir à Saint-Philippe pour les lieux-dits de la Réunion, on prend tout de suite des nouvelles du trafic routier en compagnie d'Yves Gruyer. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves Gruyer pour l'information routière. Attention, petit accident sur la route du littoral en direction de l'ouest. Yves. Oui, ça se passe avant le virage du gouffre Jackie, donc tu vois, après les potences, environ 2 km après les potences, la circulation se fait normalement parce que ça se passe sur la bande d'arrêt d'urgence. Il y a 3 véhicules arrêtés. Les forces de l'ordre avaient été appelées avec les pompiers, mais ils ont récupéré que des touchettes, donc il n'y a rien de grave. La circulation se faisant correctement. C'est pour ça que donc, la DRR a mis du temps avant de trouver les véhicules qui se situent presque hors zone de caméra. Mais c'est bien confirmé par la patrouille qui est partie sur place au niveau de cet accident en direction de la Possession, je rappelle. Dans l'autre sens, il y a un effet de curiosité, il y a un petit peu de ralentissement au virage du gouffre, mais ça roule quand même jusqu'au niveau des potences. C'est à partir des potences que démarre le ralentissement réel, avec un pont Vinsane dégagé. Tranché côté mer, par contre, il y a du monde. En provenance de l'Est, c'est un trafic dense avec pas mal de zones roulantes, c'est pas complètement à l'arrêt. Il y a un gros trafic, là, c'est l'heure de pointe, avant de rejoindre le front de mer de Saint-Denis. Attention, chaussée mouillée quand de la pluie dans l'Est. Restez très prudents. La circulation côté Ouest se fait avec du monde de hauteur entre l'échangeur de Plateau-Caillou et la tranchée couverte. En bas, ça roule correctement. Hein, donc au niveau de Grand Fond Boucan, pas trop de perturbation par le soleil. Ce matin, au niveau du Cap Laoussé, attention aux travaux qui vont se faire sur le secteur giratoire sud de Saint-Gilles-les-Bains, à l'extrémité de la rue du Général de Gaulle. Et donc, pour continuer votre route vers l'œil de bœuf, des travaux de marquage qui sont encore au programme, travaux de finition jusqu'à mercredi. Pour ce chantier qui se termine avec au niveau du centre-ville, mais ça se passe plutôt bien. À tout à l'heure. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et je vous rappelle cette information routière donc sur la route du littoral, un accident, donc petit accident hein, avant le virage du gouffre, 3 véhicules arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence vers la Possession et dans l'autre sens, vous êtes ralenti au niveau des potences. Ça fait beaucoup dense tout ça hein. On parlera du journal de l'Euro hein, de l'Euro 2016 également dans moins de 5 minutes sur la première. À ce niveau-là quand t'es un footballeur de ce niveau-là que sévère comme note. Moi j'aurais mis 7 ou 7,5. Il court, c'est vrai qu'il a bas du terrain. Maintenant on attend un peu plus de lui, on attend un peu plus de Pogba. Bah voilà. Pogba, voilà. Ouais, d'accord. Comme qui dirait, on est mal barré. Voilà. Alors quoi, un coup, Saint-Philippe Pasteur. Comme il disait Saint-Philippe, que ça zati wa devant aux autres. Bien, noir le terroir, noir la cuisine, les gens accueillants, le sud sauvage nous pense aussi bien à ce bel endroit, le Cap Méchant. Alors pourquoi l'une des ravines de Saint-Philippe s'appelle-t-elle la ravine criée? Est-ce qu'il y a des autres affaires? Que pouvait-on crier dans une ravine? Écoutez quelques-unes de vos réactions au micro de Claude Montané. Vous avez déjà essayé de crier dans une ravine? Ouais, ça fait il y a l'écho au niveau de l'écho, ça résonne à un côté, ça crie de l'autre côté. Non, je suis un monde, j'aime pas crier, je suis calme. C'est vrai, hein? Non, je crie pas. Hein? Ouais, déjà arrivé, oui, d'une ravine ou bien quand je fais la marque. Quand t'es énervé, bien sûr. Oh, bah, des coups de gueule comme ça. D'envoyer des coups de gueule. Vous envoyez des coups de gueule souvent voilà. Comme ça? Non, rarement, mais crier pour se dégager un peu intérieurement. Est-ce qu'il arrive de temps en temps de crier? Oui, avec ma maille, c'est tout. Mais crie pas, tout. Moi, il faut crier, mi crie. Dans la case, bureau, partout, mi crie. Dans une ravine? Non. Moi, jamais aller à la ravine. La pire ravine, ça veut me crier. Oui. Mais avant, quand tu es plus petite, mi aller. Oui, ben oui. C'est où qui pense? Mi aller, redisait pour Capri, parce que j'avais machin, ben mi crier la ravine. Ouais, mal ici, Et qui répond à moi, c'est l'écho. D'accord, ok. Mais coq aussi, t'es sans depuis grand matin dans le studio, là. Non, d'essayer d'appeler un coq, t'écris dans la ravine, crier là-bas à Saint-Philippe. Non, pas dit ça. Pourquoi il t'appelle comme ça, d'ailleurs? Aucun rapport avec des cris dans la ravine. Elle tient son nom d'un ancien préfet et aussi homme d'église. Il avait les deux casquettes, hein, ce monsieur Louis Crier. Il s'appelle comme ça. C'était donc son nom, voilà, d'où l'origine, la ravine Crier à Saint-Philippe. Puis un petit bonjour, un grand bonjour à même toute bonne solidité. Écoutez-nous du côté de Saint-Philippe ce matin. Première. Et le code du travail, c'est des années de lutte. Que doit faire un responsable politique local? D'empêcher la ghettoisation. Il y a des communautés qui se forment. Il n'y aura pas de solution facile à Mayotte. On a choisi la facilité, on est calme la colère. Qu'est-ce qu'on peut faire face à de telles attaques? Répondre à la situation. Devant la Réunion, c'est l'émission politique de la rédaction. Retrouvez-nous tous les lundis soirs à 18h15 sur Réunion Première. Sophie Persson sur Réunion Première devant la Réunion, présentée également par Gaëlle Le Dantec. Et ce soir, dès 18h15, c'est Vanessa Mironville qui répondra à leurs questions. Donc ça commence après le journal de 18h sur la Première. L'Euro 2016, groupe A, la France en tête grâce au nul donc contre la Suisse. Résultat, analyse, programme, le journal de l'Euro sur la Première. Les Bleus ne marquent pas mais sauvent la tête du groupe A, 0-0 hier soir face à la Suisse pour leur dernier match de poule à Lille. Ce soir, match décisif et à haut risque entre la Russie et le Pays de Galles. À Toulouse, on craint de nouvelles violences, mais vous l'entendrez, l'entraîneur russe se veut rassurant. Toujours dans le groupe B, les Slovaques vont jouer leur qualification face à l'Angleterre. Rendez-vous à Saint-Étienne à partir de 21h. Aucun but, mais plusieurs belles occasions. Un match plus rythmé en tout cas que les précédents. Les Bleus ont assuré l'essentiel hier soir à Lille face à la Suisse. Un score nul et vierge qui leur permet de finir cette phase qualificative en tête de leur groupe. Et c'est déjà ça de prix pour les huitièmes de finale. Sans impressionner, sans briller, les Français ont eu toutefois plusieurs occasions. Occasions franches. Deux frappes ont fini sur la transversale, dont celle de Dimitri Payet, la nouvelle star tricolore. On voulait finir premier ce soir, on l'a fait. Après, s'il y a un bilan à tirer, je pense que de la Roumanie jusqu'à ce soir, il y a eu une montée en régime, c'est plutôt bien. Malheureusement, voilà, il y a eu soit le poteau, soit un peu de maladresse devant le but, mais c'est très encourageant ce qu'on a fait ce soir. On a montré sur ce match-là que voilà, on avait de bonnes bases, on n'a pas pris le but encore ce soir. On n'a pas été spécialement mis en grand danger, donc c'est très bien. On va bien se reposer parce qu'on en a besoin et préparer tranquillement ces huitièmes. J'espère qu'on fera en sorte que cette pression maintenant soit une pression positive pour nous et plutôt négative pour nos adversaires. Dimitri Payet, une constante dans cet Euro. Apparemment, les pelouses ne sont pas au niveau. Après Marseille, celle de Lille a aussi beaucoup fait parler hier soir avec ses trous, ses innombrables trous. Elle s'est aussi transformée en patinoire pour les joueurs. Prochain rendez-vous donc pour les Bleus dimanche, le 26 juin à 15h, contre un adversaire inconnu pour l'instant. Sachez que toujours dans ce groupe-là, la Roumanie est éliminée après sa défaite 1-0 hier soir face à l'Albanie. Le premier but marqué par les Albanais dans un tournoi européen, dans un Euro. Les Albanais qui peuvent encore espérer un billet pour les huitièmes de finale. Au programme de ce mardi, à partir de 21h, les deux dernières rencontres du groupe B. Cette fois, et d'abord Russie-Pays de Galles à Toulouse. Match décisif pour la qualification et match à haut risque pour les autorités françaises, classées 3 sur 4 sur l'échelle du hooliganisme, après notamment les incidents vécus à Marseille il y a 15 jours. Plus de 2000 policiers et gendarmes seront déployés à Toulouse. Les bars devront fermer à minuit. Les Russes qui sont toujours menacés de disqualification en cas de nouvelle violence. Mais le sélectionneur national, Leonid Slutsky, est plutôt confiant. Je suis certain que les désordres, c'est désormais du passé, parce que les choses qui ont été faites depuis Marseille vont permettre que tout se passe de façon la plus normale possible. Toutefois, si je peux aider, je voudrais demander à nos supporters de nous soutenir dans le cadre de la législation du football ainsi que dans le cadre des lois qui sont celles du monde civilisé. Et outre la Russie, 5 autres équipes font désormais l'objet d'une procédure lancée par l'UEFA et notamment depuis ce week-end, la Belgique, le Portugal et la Hongrie pour des incidents plus ou moins graves lors des derniers matchs. L'autre rencontre coup près de ce groupe B opposera donc la Slovaquie à l'Angleterre sur la pelouse de Saint-Étienne. Coup près pour les Slovaques qui jouent là leur qualification. Les Anglais, eux, vont tenter de conserver leur première place. Peut-être grâce à leurs remplaçants, comme face au Pays de Galles jeudi. Parmi ces remplaçants brillants, Jamie Vardy, le joueur de Leicester, qui commence d'ailleurs à s'impatienter un peu. C'est à moi de travailler encore plus sur le terrain et de rester optimiste pour tenter de prendre la place de l'un des titulaires. C'est difficile pour le coach de choisir, mais la concurrence est une bonne chose pour une équipe et nous sommes toujours disponibles en cas de changement de système. S'il y a un problème, on ira chercher quelqu'un sur le banc. Tout le monde est prêt pour cela et joue le jeu avec respect. Si je suis encore remplaçant, qu'il en soit ainsi, en espérant qu'à la fin, le job soit fait. Slovaquie-Angleterre, coup d'envoi à 21h au stade Geoffroy Guichard. Ce sera bien sûr à vivre en direct sur France Info, radio officielle de l'Euro. Réunion Première. Le journal de l'Euro, tous les jours sur Réunion Première à 7h45. On s'intéresse maintenant aux nouvelles technologies. On va parler de la chasse aux bugs du système informatique du Pentagone. Alors le Pentagone, c'est un bâtiment qui se trouve près de Washington, la capitale fédérale du continent qui mange bœuf d'Anmacatia. L'Amérique, cet édifice qui abrite le quartier général du département de la défense du pays. Et puis nous parlerons également dans Connect Première de la publicité intempestive sur le réseau social Snapchat. Écoutez. Connect Première. Bonjour, tout ce qui est géré par l'informatique et qui passe par Internet, c'est un petit peu comme un géant au pied d'argile, fragilisé par le mot qui ferait tomber tout un système, le bug. Le Pentagone aux États-Unis a donc organisé une chasse aux bugs de ses systèmes. Il a convié 1400 hackers connus et au profil vérifié et de nationalité américaine à un concours pour dénicher le plus grand nombre de bugs. Car oui, à ce jeu-là, on n'est jamais certain de tout avoir repéré. C'est même l'inverse qui est sans doute vrai. L'idée était donc d'utiliser des hackers de confiance pour pouvoir colmater les fuites avant que des hackers auxquels on ne fait pas confiance ne les découvrent. Résultat, ces 1400 hackers ont planché sur les systèmes de sécurité du Pentagone pendant un mois, en fait du 12 avril au 18 mai. Et ce n'est pas moins de 100 bugs qui ont été ainsi découverts à coup de primes de $15,000. Pour des raisons de sécurité, les hackers n'avaient pas accès aux portes derrière lesquelles sont rangées les infos les plus sensibles. De quoi peut-être inquiéter quand même le ministère de la Défense américaine. Snapchat, on l'a déjà évoqué ici et vous le savez, c'est le réseau qui a le vent en poupe en ce moment. Notamment, c'est le réseau préféré des jeunes. C'est le réseau des contenus éphémères qui s'effacent automatiquement. Mais malgré ce succès, le réseau n'est pas assez rentable, au goût de son créateur en tout cas, qui compte donc y insérer de la pub. Ce sera fait dans les stories, autrement dit dans les contenus visuels. Bref, Snapchat va insérer de la pub dans les vidéos de ses utilisateurs. Alors si Snapchat a réinventé le réseau social, ou en tout cas il propose une formule, c'est vrai, originale, le contenu s'efface au bout de 24 heures, Evan Spiegel, le patron, dit vouloir réinventer la pub, afin qu'elle soit moins intrusive et gênante pour l'utilisateur qui, lui, pourtant risque de ne pas apprécier. Alors, on parle aussi d'une fonction qui permettrait justement aux utilisateurs de passer les pubs. Quelle sera la réaction des membres et surtout des futurs membres potentiels ? Quoi qu'il en soit, Snapchat a comme objectif de tripler en 2017 son revenu 2016. Ah oui, quand même, hein. Belle journée. Jackie réveille la Réunion. Tous les matins avec Zot sur Réunion Première, Jackie réveille la Réunion, en compagnie de Prisca également et Yves Gruyer. Yves Gruyer sera avec nous pour l'information routière dans moins de 6 minutes sur Réunion Première. Et puis Prisca qui se trouve à Saint-Pierre, elle a choisi le marché de Gros très tôt ce matin. Et pour savoir comment gagner un panier garni avec Réunion Première, il va falloir être à l'écoute hein, à 9h50. Je rappelle à Zot, toujours le mot de passe, c'est Fruit de la Passion avec Réunion Première. Fruit de la Passion, les chansons, ça non? Francky Vincent, ah d'accord, ok. Oublie pas la fête, la musique, mes amis. Demain soir avec Réunion Première, à partir de 19h, il y aura concert Maloya. 5 heures de concert pour vous, les amis. Je vous souhaite de passer une belle journée avec Claude Montané qui arrive dans un court instant. Sur la première, on termine cette émission, la matinale, grand matin avec Yin Yang Zoro Chang jusqu'à percer. Même si des fois la vie donne pas l'espoir, il faut pas pour salir sur le trottoir. Et puis crois-moi, la vie c'est un gros bizarre et ne vivre rien pour de là. Et pourquoi tout ça ne peut pas garder le yin, jette le yang. Là même le doute y installe. Nous vivons dans...